You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bon matin, bon midi, bonsoir, bonne nuit. Ici Sébastien Bouchard au micro. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 94 de l'Horreur Gamer Show. Quoi, ça a sonné un peu bizarre, c'est pas grave, on continue quand même. Il y en a un qui rit de moi, c'est Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut Sébastien, je m'amuse déjà alors que je vais même pas rester. Ouais, c'est ça que tu dis, c'est ça que tu dis. Tu nous aimes trop pour t'en aller. Inquiète pas que tu vas rester dans ton coin. Oui. Il y a aussi Jean-François Tremblay avec nous. Salut Jean-François. Salut, comment ça va? Tu peux WD-40, Jean-François, tes portes grincent. Ouais, je me sens rouillé un peu. Essaye même pas de le faire. Non, non. Il va prendre son cellulaire. Écoute, tu sais, voyons donc s'il y avait un son qu'on est j'ai capable de faire. J'ai pas ce talent-là, moi. Ah, comment? Et la dernière, mais non la moindre, celle qui peut nous en faire un live, là, un Vicky Langlois, vas-y. Je te fasse un Babadou. Alors, elle la suit pas pantoute. Non, je suis dans un bain chaud dans ma tête. Oh. Ça fait 3 jours, j'ai presque temps. Ben voyons donc, toi, t'es à Sherbrooke, je t'ai pas, t'es pas à Chicoutimi. Ah, tiens, non, moi j'y suis. Hey, Vicky, c'est un épisode pour toi parce que c'est toi qui as choisi les films d'aujourd'hui. Ben, j'ai même réinventé un peu le thème. Au lieu d'être des shameless, j'ai proposé au gars de faire des... J'aimerais discuter de 2 films. Okay. Je l'avais proposé à Seb, en fait, durant le congé parental de GF, en me disant, ben, tu sais, ça permettrait de l'intégrer dans le show. De GF, donne-nous 2 titres de films qu'il aimerait qu'on parle. Puis finalement, avec l'aléa des semaines, ben là, c'est comme rendu mon tour de proposer des films. J'ai dit, ben, ça serait juste ça. Au lieu de choisir un thème, ce serait 2 films dont Vicky aimerait entendre parler. Puis c'est pour ça que je pense que Steven, il peut rester, même si les films sont loin dans sa tête, parce que je veux pas juste entendre parler de « je l'ai vu hier, puis voici », puis explorer, puis une analyse vraiment profonde, mais ça peut être aussi les impressions que depuis le temps que tu l'as vu, les impressions qui te restent de ce film-là. Est-ce que c'est un film que tu conseilles? Je suis allée avec un super classique, puis un autre qui est sur Netflix, parce que tu sais, on est un peu en train de chialer aussi des films qui se trouvent sur Netflix, puis il y en a beaucoup dans l'horreur, puis j'ai pataugé là-dedans longtemps. Et je trouvais que ce serait le fun de parler un peu de ces films-là. Je connais sur Netflix qui n'ont pas eu une grande distribution. Cool. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de faire du popcorn ou il y a un choc électrique? Y a quelqu'un qui joue avec un taser en background? On dirait vraiment. Quelqu'un qui a une fourchette dans un. Dans une prise électrique. Non, mais je sais pas, il y avait des petits flashs proches de mon pied, puis là, je me demandais si j'y touche. Oh, God. Je peux pas croire. On s'enligne. Une arrête de Puppet Master, là, tu sais. Oh, je savais pas qu'il faisait ce bruit-là. Je sais pas, non. J'imagine le petit... Non, mais il faudrait qu'il invente une nouvelle marionnette pour la 11e suite qui fait l'électricité comme ça, là. Ça serait vraiment malade. Qu'un fer à souder ou quelque chose, là, tu sais. Bienvenue dans l'épisode d'Horreur Gamer le plus déconstruit depuis un méchant bout. Non. On a déjà fait pire. Je te jure, Vicky. Dans les spéciaux de 6 heures d'Halloween. Yes! Hey, ça s'en vient bientôt. C'est dans un mois. Yes! Bière à citrouille. Bière à citrouille pour Jeff, évidemment. Hey, étant donné que ça a l'air qu'on est déconstruit, moi je vais dire qu'il y a une petite fille qui crie, puis on va parler de The Grudge là. Hop, on arrête ça tout de suite, On a un moment spécial, vous avez sûrement vu dans le titre de l'épisode. On est vraiment content parce qu'on reçoit ce soir, moi et Jeff, parce que les autres n'ont pas pu être là, on aura juste ce segment-là à un autre moment de l'épisode. On reçoit Eli Craig, le réalisateur réalisateur auteur de Tucker and Dale et du nouveau Little Evil, disponible sur Netflix depuis même pas une semaine. On a jasé avec lui un bon 30 minutes, Jeff. Oui. L'écoutez, l'entrevue est en anglais, c'est vraiment sympathique. On n'a pas fait un Musique Plus de nous, on n'a pas été traduit à ce qu'il a dit à toutes les deux phrases pour couper court à la conversation. On s'excuse. Non, ça a été dole. Ça a été dole, on s'excuse pour ceux qui ne comprennent que dalle de l'anglais. On tenait quand même à vous l'offrir. Inquiétez-vous pas, c'est sûr que si on est capable d'avoir des entrevues en français, on va les avoir en français aussi. C'est sûr et certain. Avec peu importe qui. Mais là, écoutez, c'est avec Eli Craig. On pouvait pas passer à côté de cette occasion-là. On jase avec lui. Si vous êtes pas capable d'entendre quoi que ce soit ou comprendre quoi que ce soit de ce qu'il dit parce que vous êtes que dalle en anglais, sautez à peu près 30 minutes de l'épisode. On ne connaît pas le timing exact. Puis à revenir après, on est là avec l'épisode régulier des choix de Vicky. Puis c'est ça. Mais profitez bien de l'entrevue. Nous autres, on a eu vraiment du fun. Puis on espère juste que ce sera la première d'une longue série. Puis allez voir le film sur Netflix. Allez voir le film sur Netflix. Puis arrêtez de dire que c'est si j'ai pas ri 10 fois, c'est pas une bonne comédie. Bâtard. OK, great. Cool. OK. So I think we can start. Okay, yeah. Let's do it. Great. Okay, so Little Evil, what was when did you have the idea for the movie? I think you I saw an interview in 2011 when you talked about your next movie and you had already had some idea of what you wanted to do. So when did you have the idea and what was your intention at the time? Well, you know, maybe even before Tucker and Dale, I always wanted to do a movie that was a spin on Devil Child movies. Some of my favorite horror movies from back in the day were movies like The Omen and Rosemary's Baby. Hmm. And, you know, and then just the classic horror movies like The Exorcist or even like the classic The Bad Seed. Yeah. And I, all of those movies deal with sort of nature triumphing over nurture. There's really no way to help these kids. I mean, they're demons through and through. And I just always thought it would be fun to reverse that and be like, well, you know, if you do have free choice, if there is free will, there's sort of this deterministic aspect to all those movies, you know, that there's no way out of this sort of cycle of evil, if you will. Yes. And I just thought, you know, I have a different view on the world. And so on top of that, I've never seen a movie that sort of let nurture triumph over nature in this sort of devil child genre. So I really wanted to flip it on its head. I wasn't sure exactly how I was going to do that. But I also knew as a new parent at the time that I wanted to use a parent, like take somebody who had not been a parent very long. Mm-hmm. And the way in on that front was to use like the step parent metaphor. Mm-hmm. And I had a stepdad myself that I used to kind of torture. so I took this, you know, I originally was thinking, well, maybe it'll be from the kid's point of view and he'll just like torture the stepdad. And I was like, no, I gotta push this all the way, make it from the stepdad's point of view and make the kid like as evil as you can make him, which is basically the Antichrist. I mean, yeah. And, you know, it's just, to me, this whole movie is just a huge metaphor. It's throughout the movie, there's all these similes and metaphors, but the movie's just a huge metaphor for parenting, which was why it was so much fun for me to play with the horror genre, turn it on its head, and really do something that meant something to me, which was, you know, getting through this like impossible thing a lot of us are tasked with, which is parenting. I love when Jennifer Steele's characters say, you didn't try to reach him, and he's like, yeah, I did. And when she tells him what he did, you realize that no, he didn't at all, didn't try a second, and you're like, oh, okay. Yeah. Yeah. Yeah. Now I can see the from the mom's point of view. Most of the movie, you're like, oh, she can't see all the things her kid does. But you didn't realize, no, she loves him and she sees this guy who doesn't try a thing. Well, I love that you noticed that. I mean, I don't know how many people, sometimes you do a comedy and people just wait to laugh. And that's the only thing they're looking at is like, well, I laughed seven times. It's yes. It's good. You know, it's like, they're not looking very deeply. And I love that you noticed that because really I wanted the kid to be somewhat justified. Like if you looked at the world through his perspective, here was this guy that just showed up out of nowhere. He bought him a crappy present. He thought that was going to win him over. He did what all these adults think is going to win a kid over, and it's the opposite. You know, he really didn't give two shits about the kid. He just wanted his wife to kind of accept that he was being a good parent, but it was all superficial. And so that was sort of the metaphor I was drawing there. It's like, and the fact that the kid buries him in the box of the present he bought him. Oh, yes, yes. It's true. So he buys him this gift, and then, you know, he actually buries him in the gift box. You know, there's all these little things like that. I just, like, I don't know. I feel like I wanted to justify the Antichrist actions, you know? Even if you can't. You can feel for him. You can understand his actions because he went through a lot of stepdads before Gary. So yeah. And the little talk they have after the water park scene where they say spoiler alert, I don't want to kill you. Oh, I don't want you to die anymore. And you're like, oh, that's kind of cute. But you're like, I shouldn't be thinking that about this little boy. Right. Well, that was the big turn in this movie that I didn't know whether I could sell or make work, but that was what made me excited about trying to do this because, I mean, I was just excited about making these big tonal shifts. I mean, and ultimately making, like, going for full cheese at times. And it's being tricky. Like, no, I'm gonna do this, like, this sweet stepdad / stepson, you know, rom-com. Yeah. At times. It's going to be this little bonding movie, but the kid's the fucking Antichrist. So there's also this whole horror element, yeah. And I'm going to mash these two things together. And yeah, like when it's Hallmark, these Hallmark moments, I'm going to lean in on the Hallmark moment and hopefully I'm going to lean in hard enough that people are going to get that it's tongue in cheek and I'm playing with the tone of it. With the song and everything. Yeah, I mean, the it's montage really and it's really corny. I mean, I mean, it was definitely a fun choice to be that corny in those moments that were like the father-son bonding moments. How was the casting process for the character of Lucas? It was, you know, it was tough. We brought in a bunch of kids. I didn't find the right kid on the first round. We brought in more. And then Owen Atlas, I found him out of Las Vegas and he sent in a reel. And I said, oh my God, this kid, he just is so creepy. He's got this look. He looks a lot like Damien from The Omen. Yeah. And, you know, I mean, it is this sort of, I mean, there's certain things I'm parodying, obviously. And I don't consider this a parody. I consider it a satire. But it's so obviously The Omen, but like the funny version of that I wanted the kid to look like Damien. And so he came out to L.A. and he read with Adam Scott. And he was just, when he was just giving him these looks, I was like, oh my God, this kid is a little demented. And then when he started talking, his voice was so high and sweet. It's so cute, yeah. Cute. And I was like, oh, this is it. This is exactly the balance of the movie I'm going for. It's like demented, sweet little movie. So I found him and then we cast him on the spot. Adam Scott was like, that's the one. We all said he's the one. And it was his first real role in anything. Yes. Wow. And where Adam Scott and Jennifer Tilly, your first choices? Who did you have? Jennifer Tilly. It's Evangeline Lilly. Evangeline Lilly. Oh, God. Yeah, Evangeline Lilly, who he's going to be the Wasp now, and is a part of the Avenger series, which is kind of awesome for her. You know what's weird? So Evangeline Lilly I sent it around, you know, went around town a little bit. It was a very low budget movie. I mean, people don't realize it was made for, you know, significantly under $10 million. So these people, they weren't getting paid a lot. So we were looking for actors that just like really wanted to do it. And I was thinking it might be hard to find a great actor who wanted to play the mother of the Antichrist. I don't know. I was like, do people want to do this? And Evangeline Lilly has this like really sort of dark sensibility and dark sense of humor, but she's really got a great sense of humor. And she lives in Kauai, and I Skyped with her. Her agent had given her the script, and she just loved the script. And so I Skyped with her, and it was literally the first like phone call I had. And I was like, she's the one. Like, this is great. Like, she's so grounded and real. And I thought it was important that the mother be like a really good actor and not just a comedy trope. I thought it could really undermine the movie if she was too comedic. And I thought that really rested on Al's shoulders and really the stepdad's shoulders to be like the comedy spine of it. But I wanted her to be like the sort of realistic parent that was so deluded about their child that, yes, you know, she just always thinks her child's wonderful no matter yeah what. She can can justify everything. Yeah. I love the massage scene. She's so great in that scene. Yes. When she tells the whole story about the cult and everything. She's so good. Right. As if it was nothing. Yeah. Well, I mean, you know, she really is Pollyanna. You know, she really sees the good side of everything. And yes. Oh, that's Leroy. That's his friend Leroy. Yeah, exactly. Oh, he's so creative. Yeah, he's so creative. And, you know, you could hopefully see in, like, a certain light how the kid is creative. Like, in some ways, I think the kid is, like, really on the spectrum, you know? Like, there's a little shot of him at the birthday party just, like, twirling around on the swing alone. Yeah. And, you know, I also wanted to create this feeling that the kid was really isolated. He had a dad that abandoned him. Mm. You know, he doesn't have a good relationship with men. He's never really had anybody else that loved him except his mom. So there's kind of like this, he's kind of this really awkward kid that doesn't know how to relate to people as well, you know? And so, I don't know, I wanted to create some sympathy for the Antichrist, sympathy for the devil. I think it works. I think it works. And Adam Scott is just great. His face is perfect for the role, I think. You know, and again, he's such a solid straight man that he kind of slips between the horror elements and the comedy elements sort of effortlessly. Yeah. And that was one of the fun things for me is be like, okay, well, I could slide this movie a little more than Tucker and Dale. Like, even though Tucker and Dale, I think, was way more gruesome and bloody. It was more of a bloodbath. Just a little bit. But the genre I was making fun of is way bloodier. You know, I'm really kind of with Tucker and Dale, I was poking fun at the whole backwoods slasher, sort of redneck slasher genre. You know, obviously looking at Texas Chainsaw Massacre you know, Wrong Turn and those kind of movies. But this is more of a cerebral, these movies I'm riffing off, like The Omen. Isn't, you know, there's the decapitation in The Omen, but it's really far more cerebral than it is bloody. So it was like, how am I going to come up with these comedy tropes? I mean, sorry, these horror tropes, you know, in a similar way as Tucker and Dale and still keep the excitement up. So I don't know. That was my task, you know, and I don't know if it was accomplished quite as well, but it was fun to try. And Jeff, I think we wanted to talk about the Netflix whole thing. You can ask. Yeah. So how was it to work with Netflix this time, and how much freedom did they give you? And is it really different from another kind of production with regular producers, if you want to? Well, yeah. I mean, it was exactly. Look, this was Netflix financed this, but it was produced outside of Netflix. So the producers were indie producers and they, Netflix really had no oversight at all. They just basically financed it. They didn't give us nearly as much money as we initially wanted. I had initially developed this with Universal. Universal actually bought the spec script that I wrote. And then I spent 3 years with Universal trying to develop it so that they would make the movie. And I had basically three entirely different scripts written with a similar theme, but way different. I mean, like, way more comedic. There was one draft we wrote, and we sent it out to Kevin Hart, and they wanted Universal was interested in Kevin Hart starring in it. But Kevin Hart thought it was too dark for him, and he passed. And then we went back to my original script, and I took that to Netflix, and they agreed to finance it. Way less money again than Universal, but they said, you know what, make the script work for this budget, and we'll finance it. So I had to pull out a lot of big action sequences. I had these like big set piece type action sequences, so I had to minimize those. But other than that, Netflix was really hands off. They had a couple notes in the edit, but only like friendly notes, like, well, maybe do this or tighten this area or this or that. Okay. And that's about it. Okay, it's not that big producer over your shoulder always and always looking. No, not at all. But this was done under the indie division at Netflix. Okay. So it's a different division. Okay. And the movies like Death Note and stuff, I don't know for sure, but I think they have a little bit more oversight. Okay. You know, those are much bigger budget movies. And it's pretty well known that Netflix don't reveal any of their numbers. So do they give you any numbers to you, the director? Do they give you any idea of the audience? They did. Just today I had a call with them, and they basically gave me generalized view of how well it was doing, and they said they were really, really happy that. Okay. I can't repeat exactly what they said, but they said literally it was in the top 10 globally. Great. Yeah, and that, like, I was like, because my son at this point, he watches Moana basically on repeat. And so I was like, how's it doing compared to Moana? And they were like, it's breathing down Moana's neck. And I was like, wow, that's a lot of views. So, and that's just because of your son. So you're happy with the... Yeah. I'm really happy with the viewership. I think that it's been... I am not as happy with, you know, how people are seeing it. I think right now, at least, I think people are just waiting for the big laughs. Yeah. And I thought people would dig a little deeper than that into what I was doing. It's kind of like in diving, in a gymnastics competition, you get part of the score is how difficult the move is. You know, like, well, it's a grade 10 move, and they stuck the landing almost, you know, so the score is increased. I feel like the difficulty of the move is incredibly hard with this. And that was part of the fun of it for me, like to mash up these different genres and try to try to riff off this, but have it also be a sweet movie. So I just felt like, I don't know. I guess people aren't looking for something. I don't know. That's not true. There's a huge viewership, and there's so much positive out there that I can't look at the people that are not happy with it and give that much weight to it, because I got to make the movie I wanted to make, and I know a lot of people are stoked to see it. So I just it's a little bit hard for me, because after Tucker and Dale, you're like, everybody loves my movies. And then you're like, oh, okay, there's, you know, it's like settling to earth a little bit that there's a lot of haters out there. And I'm sure you heard people saying this, but what do you think about the people who say that as soon as an horror movie tries to be a little bit funny, it's not an horror movie anymore, and it's just a comedy that fails? You know, not for Little Evil in particular, but for almost every comedy and horror movies. Yeah, well, I think that doing the same thing over and over with any genre, it just gets old, you know? I mean, some of this stuff, like, you look at a film like It Follows or something, and it's like, to me, it's like a tonal masterpiece, you know? Mm-hmm. You know, or same with films like Hush or something. Like, they're tonally so succinct. They're like one tone, and they're just kind of solid throughout. And I think that, yeah, that's great, but why not do mashups? Why not mix it up a little bit? Why not surprise people? And so I think there's kind of people have a very set feeling about how genres should be still. And, you know, companies like Netflix are really mixing that up. So I think that says a lot. And I think there's a big hunger out there for, you know, a diversity of tonal experiences within a film. So, you know, that's what I set out to do in this. And I think, you know, definitely think it's tonally mixed a mashup. And it works. Yeah, it works. I think comedy and horror go hand in hand. I think they go so well together. But we had some of the best horror movies have comedy in them. Like, yes. My favorite is Dawn of the Dead from George Romero, and it has comedy in it. So, well, especially I think those old school, like the old school movies, old school horror movies have, you know, all of the Nightmare on Elm Street movies have like this element of cheeky comedy in it. And, you know, so I think that I miss some of that in the horror films I see today. I think it helps the movie breathe a little. You can relax and just, okay, that's scary, but that's funny as well. And it's good. It's good. We had the discussion that horror movies are, it's a genre where you can mix almost everything. If you want to be funny, you can. If you want to be sentimental, do a social commentary on. You can. Yeah. I think horror film is such a great place for social commentary and to poke fun at things and for satire. You know, the fun part to me too is really being visually poignant. You know, I think comedy in general is so flat visually that it doesn't excite me that much. But to riff off the visuals of a horror film is so thrilling to me that I'm like, well, I don't want to do a straight comedy. When you could play with the visuals within a horror film to create comedy, it just blows up my skirts. So, you know, so that's sort of what I've done lately. I mean, I don't really consider Tucker and Dale or Little Evil a horror film. You know, I think that they're solidly comedies, and that sort of play with the horror genre. And I like to push it in ways where there's moments where you're like, oh my God, am I kind of scared here or what's going on? You know? But I think that, you know, part of it is having also an upbeat ending, you know, in both of those movies that kind of lets you off the hook, and it makes it not really a horror movie if you have that sort of upbeat, happy ending. It's the, it's the statement that you're making and saying, okay, this is a comedy. It's upbeat. Yeah. If it was a, how can I say this? If it was a Everybody Dies or something like that, we would be, oh God, okay, that's an horror movie. Which that may be my next movie. Just everybody just dies. Fuck it. Yeah, talking about your next movie. Do you still have something like horror comedy in mind? You know, I think, a little bit. Yeah, I do. I'm kind of working out this thing possibly with Blumhouse right now. So, but I'm going to keep a little hush on it because it's so recent. I got to keep a little hush on it right now. It's all right. You'll see. It's sort of like a skewering of corporate America, because I think that's very ripe for ridicule. So, you know, a lot of comedy in that sort of office space. Like, imagine Office Space if it was in a horror film. Okay. Cool. But going back to Little Evil, I just wanted to know, I love the therapy group, the stepdad therapy group, and I was wondering if all those lines were written by you, or did they improv some of them, like Chris D'Elia and Donald Faison? Did they improv some of the lines, or? Well, I'd say that you know what those guys do so well, all those comedians, is they kind of riff off exactly what's written, and they are able to heighten it another step further, because when it was written in the script, it was like Chris D'Elia's line was something like, you know, like he was like melting. The guy was having a meltdown, basically. The way I saw it is he was just holding it in the whole time, but he was literally having an emotional meltdown in the scene. And he says, like, you know, my son's shit in my sock drawer. Yeah. Yes. And then he's like, I thought it was a cat. But I went through it. There's fucking jujubes in there, man. And then he was like, in the script, it was like him melting down. He's like, what kind of fucking cat eats jujubes? So that was what was written. And then Chris just kind of made it his own. And he was like, and he was kind of calm about it. Yes. He surprised me in that thing. He was like, but when I went through it, there were jujubes in the shit. And then he looks over at the guy. He's like, you want to talk about malleable? And he's like ripping off other things. And, he was like, so he climbed up. And then he just went through the visuals of it. So he climbed up on the dresser and opened up the top drawer. Looking in the mirror and the dresser on the top drawer and shit in the top drawer. So when I was going through that stuff, I actually initially thought I'd never be able to use all of that because he goes on for quite some time. Yeah. And while I was shooting it, I was like, oh, man, this is so funny. But I got to, like, get a backup that I can do that's a little more succinct. So we did some other, I think that was the first take he did. And then I think I pulled it back and we did some, and I was dying. I said, Chris, that was the funniest thing I've ever seen, but I got to do a version that's a little tighter. And we did it. And then, but once I got in the edit, I was like, no, man, that first thing is just comedy gold. Gotta keep this. Yeah. And then, so some, a lot of the other stuff is really, it's really written. You know, it's Kyle Bornheimer had a couple really funny improvs. Like, one of the funny improvs I thought of Kyle's was they both punch really well, like when people are running up to them in churches, like right at the very end. And Kyle would come up with really funny things. They're all just such great comedians that they would kind of just take what's there and really make it their own. I was so amazed by the cast. The cast is awesome. And one thing I didn't know before watching the movie is that Sally Field is your mom. I didn't know that. And I was like, wow, he got Sally Field in his movie, but she's your mom. Yeah, so, right? Yeah. Well, that's great. Yeah. It was still hard to get her in the movie. Oh, yeah? Was it? Yeah. No, I mean, not really. I mean, it's hard to ask, you know, but I think that, like, we were going to hire a local Cleveland. We couldn't find somebody to play that role. And then I was thinking about it, and I knew my mom had some time off. And I was thinking to myself, God, that would be just so funny to put her in this role, mainly because Adam Scott gets her to knock her the fuck out, like, punches her in the face. And I was like, oh, when else am I going to get to punch my mom in the face? That would be funny. And have her play this really weird, weird character. But she's so great. Yeah. So I was finally like, otherwise I thought, you know, everybody, the caliber of everybody as an actor was so high that, and we didn't have any money to cast somebody from LA. And I was like, if I cast somebody in Cleveland, it's just gonna look really like low caliber, definitely compared to Sally. So I asked her if she would do it. I gave her the dates and, I don't even, I know she read the script. She was kind of like, oh, sure, yeah. Can you send me the script again? You know, and I was nervous. I sent it again, and I was like, we can work out that scene at the end. You know, we'll talk about whatever it is. But when we finally did it, she was just game. I mean, she did her own stunt and everything. And wow. It was really fun. I don't know how much I'm going to get to work with her. It was just one of those things that, like, I feel like was a check off of my bucket list. Yes, of course. No, she was perfect for She was so perfect. She's so perfect. And, you know, all my life I kind of like went through this thing where I didn't ever want to be recognized as her son. Like, I really pushed that away in my life so I could just do my own thing and not sort of be judged because of that. And so I think I pushed it away so much that, like, you know, I reached the point in my career where I was like, can I get a little help over here? Like, can you make a phone call or anything? Not going that great. Do you have any friends or? Yeah, do you have any, like, do you know somebody that might be able to help get Tucker and Dale, like, distributed or anything? But, you know, anyway, it's just not in my character to, like, to use her in any way. It's just so against character. But I do think that this, having her in this movie was one of the sort of great times of my life. I'm sure. And my next question is a little bit silly, but it's just something I had to ask you. There's a monster truck scene near the end of the movie, and I was like, it must have been fun to film this. And to did you get to drive the monster truck, and did you to film it in those streets, and it must have been a blast to do it. I did not get a chance to drive the monster truck, but that was a dream come true for me. That was just sort of a childhood thing with the monster truck. And when Tom Sawyer starts, I was like, yeah, that's so fun. That's so great. Yeah, and I'm sorry, you guys. I know it's a Canadian band, and he says it's, Al says it's American. But Al, that is another thing of improv. And I found it very funny that Al, that she said that Bridget Everett, who's so funny in this role, that she said that it was a Canadian band, or sorry, an American band. And I just was like, well, that's America for you. You know, most Americans probably think the Rolling Stones are American. So. yeah. But anyway, yeah. So we got the monster truck. We found this monster truck that actually had a double. They had two trucks. One that had an interior with a back that they could drive in, and okay. we could put a little tarp over, and we had all of our characters in the back. And then they had the real monster truck, that was the stunt truck. But it was doing that stunt with the police vehicles and everything on the streets of Cleveland. It was just super fun. But I mean, you know, we just had everything against us on this. I mean, we shot this film. We shot the entire nunnery sequence, including that stunt, in like 3 days with like all the effects and all that stuff. It's just, it was a complicated movie to make for $5 million or so. But, But things like that monster truck scene really made it fun. And I think Sebastian wanted to ask you about your relationship with Tyler Labine. Yes, you have. He's so great in both of your movies. Yeah, Tyler's just he's such a solid actor, and he's a really great guy. And you know, I that was one thing. Like, I would have really liked Tyler to play the lead, like, in everything I do. That was the one thing Netflix maybe did have a bit of a hand in. It was like kind of saying, like, help, you know, casting the lead, really. And I was really blessed when I found Adam. But initially, I was thinking of Tyler Labine when I wrote the script. And I just think he's such a good guy. He's such a great actor. Like, I want to work with him every chance I get. And so that character, I was like, he was working on Super Troopers at the time. And I said, Tyler, is there any way you could come out just for one day and do this role? So I sent him that script, and he was like, man, this is so funny, this role of this guy. And he came out, and he just crushed it. He, like, you know, he had like 8 or 10 hours to do that whole scene, and he just killed it. really amazing actor. It's such a surprise when this scene arrives, and you're just waiting to see what's on the tape, and he's just talking about his tripod and everything, and you're like, what kind of guy is this? Well, you know, I went to film school, you know, and I just thought he was the typical film school, just super arrogant, super cocky, you know, asshole, basically. Yeah. But, you know, just self-involved in his work, and I thought that was the fun thing about Tyler, is really just nailing that thing. I mean, you know, he's like, he's just looking at a blue screen the whole time. He has no idea what he's even talking about. Oh, God. Well, and I thought interesting that he had posters of the end of the world in his room. Yes. So, yeah. Yeah, he's a prepper, that's for sure. Yeah. So what did you want? No, I don't know if you had any more questions, Jeff. Well, I don't know. No. Well, we could talk a lot more, but yeah, don't want to take too much of your time. So. Thank you so much. It's that great. Was a lot of fun. I really enjoyed the movie. It's a great, great little movie. It's a great comedy, and it's very, very moving, I think. And I became a parent this year, and Sebastian is the parent of my son. Just year got old. two years this weekend. So oh, yeah. And I think the film is much more moving since Well, a lot of movies I see now are a lot more touching because I'm a parent, but this one. No, I agree. They're all sort of devil children at times. That's the thing. Yes. Jeff. Always, yeah. His is still young, but mine is getting the little devil from time to time. Yeah. So, you know, I mean, but stick with them, you know? Oh, yes, yeah. of course. Oh, we love them. We love them no matter what, even if they're going to hell. But, The Antichrist can be so cute sometimes. So I hope the audience for the movie keeps growing, and I hope everything will be going well with all your future projects. And we're looking forward for this Huffy's space horror movie. And I hope to talk with you again about this one. Okay, thank you so much, guys. Great talking. Hi. Bye-bye. Have a good one. Bye. Bye. OK, alors là, le premier des deux films que j'aimerais entendre parler, les gars, c'est The Grudge, Rage meurtrière, en français, un film de 2004 qui met en vedette Buffy, ou connu aussi sous Sarah Michelle Gellar. Mais c'est quand même important que je le dise, puis je vais vous expliquer pourquoi. Sarah Michelle Gellar, Jason Baer et Clea DuVall. C'est l'histoire d'Américains qui sont au Japon pris avec un... Mais vous dites un djinn, mais dans... Non, pas dans ce film-là, c'est dans l'autre film. C'est moi, mais lui, il y a un nom aussi. Non, c'est un fantôme. Un esprit maléfique. Un esprit maléfique. Je pensais qu'il avait aussi fini par avoir un nom avec le temps. Donc, ils sont pris avec un esprit maléfique et le film fait beaucoup dans les flashbacks, dans les allers-retours. Donc, ce n'est pas une trame narrative chronologique. Et pourquoi je voulais qu'on parle de ce film-là, c'est que moi, je l'ai vu pour la première fois cette année et je boudais énormément de Grudge. Et je pense que j'ai encore des gens autour de moi qui ont boudé ce film simplement parce que, oui, Seb, tu fais des gros yeux, mais il y a tous une époque de notre vie où on tasse du revers de la main tout ce qui est américain, tout ce qui a l'air facile, tout ce qui a l'air remake ou... tu sais, Sarah Michelle Gellar, c'était Buffy, puis là, elle veut qu'on décolle son image, fait qu'elle fait un film, le premier qui a été proposé. Je trouvais que The Grudge partait avec beaucoup de points en moins dans ma liste de pourquoi, tu sais, est-ce que ce film-là, j'ai envie de le voir? Non, parce que si, ça. Donc, c'est un remake, c'est un film à l'américaine, c'est juste un film d'horreur pour grand public, tu sais, l'espèce de saveur du mois. Et c'est beaucoup ce que j'avais comme appréhension en face de ce film-là. Et quand j'ai reçu des films à la capsule, il en faisait partie. Je me suis dit, bon, regarde, tu l'as de toute façon, il faut que tu puisses en parler, les gens vont t'en parler. J'en entendais de plus en plus parler, puis j'ai dit, bon, ben, je m'y mets, j'écoute The Grudge. Et finalement, j'ai eu la chienne de ma vie. Je l'ai écouté en français, je vais le dire franchement, parce qu'en plus, j'avais le DVD. Puis quand je l'ai amené chez nous, je me suis rendu compte que j'avais plus mon lecteur DVD, que lui, il était au bistrot, puis j'avais pas moyen de l'écouter. Et par chance, il passait sur Cinépop, donc en français, mais je l'ai pris quand même en français. Et j'ai vraiment, vraiment eu peur. J'ai été surprise du film. J'ai été surprise aussi de la place qu'on accorde aux acteurs. Tu sais, je vous parle de Sarah Michelle Gellar, mais on a aussi le jeune garçon Jason Baer, qui est dans... Roswell, la série Roswell aussi. Fait que, on dirait que moi, dans ma tête, on avait pris comme des acteurs jeunesse, ados, qui avaient essayé d'avoir une carrière et blablabla. Et finalement, c'est pas ça du tout. Pour utiliser le mot déconstruit, on déconstruit énormément le récit dans ce film-là. Et j'étais vraiment curieuse de savoir est-ce que vous avez écouté The Grudge à leur sortie, à sa sortie? Est-ce que vous avez écouté The Grudge sur le temps, aviez-vous vos appréhensions? Bref, je veux vous entendre parler de The Grudge. Ben moi, j'aimerais ça qu'on y aille avec JF, parce qu'il y en a un qui l'a vu à sa sortie, qui l'a jamais réécouté, c'est bien lui. Et pour une certaine raison, fait que JF, je te laisse la parole. OK, mais justement, tu parlais du casting, Vicky, puis il y a quand même d'autres acteurs que moi, je trouve vraiment intéressants, comme Clea DuVall, que je connaissais, puis on a vu dans The Faculty de Robert Rodriguez, puis dans plein d'autres films. Il y a William Mapother qui fait son mari, qui est le cousin à Tom Cruise, mais qui a fait plein de films lui-même. Il a joué dans Lost, il a joué dans plein de films. Bill Pullman. T'as Grace Zabriskie qui fait la madame qui est malade, qui est comme... bizarre dans le salon, qui joue dans Twin Peaks, entre autres. Ted Raimi. Ted Raimi, ben oui, Ted Raimi qui a un rôle intéressant là-dedans aussi. Ben, c'est produit par Sam Raimi et sa compagnie, là, ouais. Ghost House, je pense. Ouais, ouais. Puis c'est ça, c'est... il met son frère partout quand il peut. Puis ben, c'est ça, non, moi je l'avais vu en DVD à l'époque, chose comme ça. Puis moi aussi j'ai eu la chienne à l'époque. Puis c'est juste ça, pour ça que je ne l'ai pas vu, parce que les fantômes japonais, ça me faisait vraiment peur. Les fantômes asiatiques me faisaient peur, que ce soit dans la version... je pense que c'est un film coréen, c'est Pulse, mais la version ouais. originale, pas le remake. C'est japonais, t'es sûr? Ah ouais? Hey, Austin, pas Steven là-dessus. Oh, non. Puis The Ring, puis Ringu me faisait peur aussi. Fait que, tu sais, tous ces films-là me faisaient vraiment peur, le G-Horror, puis. C'est ça, j'ai pas revu. Je suis devenu moumoune, peut-être avec le temps, je sais pas, mais j'ai pas revu ces films-là. Ça a grossi aussi dans ma tête, ça a pris des proportions plus grandes dans ma tête, veux pas, fait que tu te fais des idées. Puis l'année passée, je me rappelle que j'ai réécouté un film qui m'avait traumatisé quand j'étais jeune, j'ai réécouté Cimetière vivant, puis ça faisait genre 25 ans, je pense que je l'avais pas vu, là. Puis c'est un film qui m'avait vraiment fait peur quand j'étais jeune. Puis finalement, j'ai trouvé ça, c'est très efficace, très épeurant, mais c'est correct, là, j'en fais pas de cauchemar, là, j'en suis revenu. Puis c'est un peu la même chose avec The Grudge, je l'ai écouté, je suis comme... Ah, finalement, c'est pas si pire que ça. T'sais, j'étais dans le noir, j'étais dans mon sous-sol, tout seul. J'étais comme, ben non. Puis en plus, le divan est comme placé en plein milieu de la pièce, puis il y a un gros espace derrière. Puis je suis comme, il pourrait y avoir quelqu'un derrière qui me viendrait pogner les épaules, puis je mourrais d'une crise cardiaque. Mais là, tu sais, j'avais pas peur pantoute. J'étais comme, non, je suis pas. Puis okay. Un escalier en plus derrière moi, puis il y a une scène d'escalier à la fin du film qui me traumatisait là, à l'époque. Il y a ça. Puis je pense aussi, parce qu'à l'époque, j'ai pas juste vu lui, j'ai vu la version japonaise, puis j'ai vu aussi les deux premiers en format qui étaient tournés en format vidéo, Ju-on the Curse, puis Ju-on the Curse 2. Puis je pense, dans mes souvenirs, que le film japonais, Ju-on, est plus épeurant. En tout cas, peut-être que je me trompe, peut-être que je me rappelle plus, mais il me semble que c'est un peu comme The Ring puis Ringu. Ringu, je le trouve plus épeurant que The Ring. Puis yep. Ju-on, je pense que Ju-on est plus épeurant que The Grudge. Puis c'est peut-être Ju-on qui m'a plus traumatisé que The Grudge. Finalement, t'es mélangé. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui reviennent quand même. T'sais, puis tu regardes l'original puis le remake, il y a beaucoup d'images qui reviennent. Si, dans mes souvenirs, là, ça fait très longtemps, mais il me semble que... puis qu'est-ce que j'allais dire aussi? Mais ça m'a donné le goût de voir la suite en voyant le film sur Netflix. Puis la suite est là aussi. Je ne l'ai pas réécouté là, cette semaine, mais ça m'a donné le goût de... Tu sais, je me doute que c'est peut-être moins bon, mais je pense que c'est le même réalisateur. Puis je suis juste curieux de voir ce qui amène ce récit-là. Parce que j'ai pas vu aucune des autres suites après ça, ni japonaise, ni celle-là. Puis j'ai pas vu le fameux film qui oppose la créature de The Ring puis celle-là, puis tu sais, j'ai pas vu toutes ces suites-là, mais non, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, puis j'aime la structure du film, comme tu disais, qui est décousue, qui est déconstruite. Je trouve que c'est raconté de manière intéressante, puis j'aime tout l'aspect Fish Out of Water, là, non, ouais. Les gens qui sont dépaysés parce qu'ils sont dans un pays qu'ils connaissent. Dépaysés littéralement, là, ils sont perdus. T'sais. La Cléa Duval, elle est comme, OK, j'ai de la misère à trouver du monde qui comprenne l'anglais. T'sais. Juste sa scène à l'épicerie, là. Oui. Parce qu'elle est comme, elle regarde, puis elle essaie d'acheter de quoi, puis fuck all. Là. Ouais, là, c'est elle ça, fait juste ouvrir un truc avec de la poudre, puis elle goûte la poudre, puis non, c'est bon, OK, je vais en prendre 8. Puis... c'est bien réalisé, les scènes d'horreur sont bien réalisées. T'sais, la fameuse scène du grenier m'avait fait peur à l'époque, mais encore là, je pense qu'il y a la même scène dans le japonais, puis je pense qu'elle est plus épeurante. Je suis pas sûr. Mais la scène qui est venue le plus me chercher, le côté frayeur dans cette fois-là, c'est celle de la belle-sœur, je pense, qui est dans son lieu, oui, de travail, après ça dans son appartement, toute cette poursuite-là, si on peut appeler ça de même, là, oui, j'ai vraiment trouvé ça efficace. Ça, je m'en rappelais plus ou moins, mais j'étais comme, waouh, c'est vraiment efficace, là, ça, ce petit bout-là. Tu vois pas grand-chose, c'est juste dans l'attente de voir quelque chose ou des sons, puis c'est la manière que c'est fait, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Puis non, dans l'ensemble, c'était une belle expérience. C'est juste moins épeurant que dans mes souvenirs, mais j'ai trouvé ça quand même très efficace. Puis je comprends que quelqu'un qui ne l'a pas vu, qui le voit pour la première fois, soit encore marqué par les images de ça, parce que ça reste que les effets spéciaux sont foutrement bien faits. Puis les sons, comme j'ai fait jouer tout à l'heure, le petit son, ces affaires-là, ça reste marquant. Là, c'est un film de mythologie, vraiment. Oui, puis la mythologie est le fun, tu sais, le petit garçon qui a des bruits de chat, puis t'sais. Mais encore là, je pense que c'est mieux expliqué dans le film original, si je me souviens bien, là, mais peut-être que je suis pas sûr, mais... Mais dans lui, c'est-tu vraiment expliqué pourquoi il fait un bruit de chat? Je me souviens pas. Ouais. J'ai comme pas catché l'explication du pourquoi il fait des bruits de chat. Ça a rapport avec sa mort. Ouais, c'est ça. Okay. Mais il se fait pas nayer dans le bain? Oui. OK. Écoute, ça explique tout! C'est vraiment simple. Mais, moi, je vais te poursuivre, Jeff. Moi, je l'avais vu à sa sortie. Je me demande même si je n'étais pas allé le voir au cinéma à l'époque. Puis, je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça moins bon que Ring. Okay, mm-hmm. C'était le souvenir que j'en gardais. Je me souvenais de genre une scène ou deux que j'étais comme ouais, ça m'avait fait peur, tu sais. Moi, ça, je veux savoir pourquoi t'es allé voir au cinéma. C'est ça que je viens de dire, t'es allé voir au cinéma? Parce que j'avais été voir The Ring au cinéma, puis j'avais foutrement aimé ça. Fait que j'étais. Puis ça, okay. C'était comme. J'essaie de me rappeler un peu dans le temps, là, mais c'est comme. Ce qui a suivi, là. Ouais, c'est comme ce qui a suivi, là. Ça a été le film, ce qui a été après le fantôme japonais à la mode, là. Fait que c'est pour ça que j'étais allé voir, tu sais. Puis, je me souviens que j'avais trouvé ça moins bon. Mais avec le temps, j'ai réécouté les deux. Et maintenant, j'apprécie beaucoup plus The Grudge. The Ring est beaucoup plus un film de... On va découvrir le pourquoi du fantôme, du pourquoi, du comment, du... Oups, et on a une fausse piste de... Oups, c'est... Tandis que The Grudge, c'est... T'es arrivé dans la maison, t'aurais pas dû aller là, man. Tu vas te faire attaquer. Et flashback, tu sais. Puis ce que je me rends compte aussi avec The Grudge, c'est... Étant donné qu'il y a une structure narrative qui est un peu... décousu et tout et non conventionnel, c'est difficile de se rappeler de ce film-là vraiment en détail, tu sais. Ça faisait peut-être la quatrième fois que je l'écoutais, ce film-là, puis j'étais encore comme ah t'as peu, qu'est-ce qui va se passer après, ah ouais ok, il va y avoir cette scène-là, ah ouais ok, tu sais, je suis incapable de me souvenir de ce film-là comme il faut parce que justement il est tellement déconstruit. Mais au contraire de GF, moi je à quatrième écoute je trouve encore super efficace. Moi, ça, c'est vraiment le genre de truc qui vient me chercher, là, le fantôme japonais. Puis la scène du building avec son travail, son lieu de travail, c'est vraiment écœurant. Puis même quand le policier réécoute la cassette après, ça de surveillance, c'était écœurant aussi. C'est un film qui a zéro temps mort. Le film te laisse pas le temps de t'ennuyer ou de te perdre dans du blabla puis de l'exposition, tu sais. Il va rapidement dans sa narration, là. Puis tu sais, il y en a du monde qui vont mourir, là. Tu sais, c'est pas au début t'es pas juste comme ah mais là il y a Sam Churchiller, son chum, puis la madame dans la maison, ouais ça fait pas grand monde. Non, on y va dans les flashbacks, on va faire mourir du monde dans les flashbacks. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu passes une grosse partie du film dans les flashbacks, tu sais, il y a peut-être une grosse demi-heure qui se passe dans les flashbacks en plein milieu du film, puis tu t'attaches à ces personnages-là, là. Ils sont garochés en plein milieu du film, puis t'es pas comme je veux revenir à Sarah Michelle Gellar, là, je m'en fous d'eux autres. Non, t'as le goût de les suivre, eux autres aussi. Fait que même quand tu reviens à Buffy, c'est moins long à dire Buffy, quand tu reviens à Buffy, t'es pas juste comme ah, enfin Buffy, non, tu fais comme ah, ok, oui, c'est vrai, t'es là, elle aussi, c'est bon, on continue son histoire à elle. Non, fait que c'est ça. J'adore une finale un peu. Un peu facile comparé à la finale de The Ring, exemple, si on prend le même un exemple de film de la même époque, là, qui était beaucoup plus rentre dans ta face. La finale de The Grudge, la scène de l'hôpital, tout ça, et de oh, on a réussi à sauver la maison, puis là, tu fais comme ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est moins punché. Puis pour ce qui est de la suite, je l'ai pas réécouté, mais il y avait une scène qui m'avait marqué énormément dans la suite. Puis sur Netflix, j'ai comme fait fast forward, là, tu peux voir comme toutes les petites images quand tu fais le fast forward. J'ai comme fait ah, ok, je pense que c'est là. Je l'ai réécouté et calice. Elle était solide. Une scène chez la psy. Pour ceux qui se rappellent la suite, que ça lui dit quelque chose. J'adore cette scène-là. Donc c'est ça. Steven, je sais que tu l'as. C'était pas prévu que tu sois là ce soir. T'es comme arrivé sur un cheveu sur la soupe, mais on sait que tu les as vus quand même, ces films-là, puis que t'as peut-être quand même de quoi dire. Je vais y aller en surface, là, parce que j'ai voulu faire mon tannant, puis venir dire un petit coucou, puis. T'es prisonnier maintenant. C'est ça, je suis plus capable de quitter. Là. Il a comme bloqué mon ordinateur à distance. Là, c'est enfoiré. Mais écoute, moi, j'ai vu The Grudge à l'époque quand c'est sorti. J'étais allé voir au cinéma. Pourquoi? Pour la seule raison que j'avais déjà vu des films originaux et que j'aimais beaucoup. Comme Jean-François, c'est des films qui m'ont foutu vraiment à la chienne. Et c'est des films beaucoup plus minimalistes que ce remake-là qui est fait par le même gars. Là. Il a fait pratiquement toutes les versions. Et c'est une des raisons pour laquelle je crois que ce remake-là est moins effrayant que les autres, c'est qu'il y a un côté plus glossy. Tu vois que le réalisateur a plus de budget, la photographie est plus belle, tandis que les autres films, c'est plus, je ne veux pas dire forcément bas de gamme ou pas de budget, mais il y a de quoi de froid qui s'en dégage. Puis même si les maquillages sont un petit peu moins réussis, je sais pas, il y a quelque chose qui vient nous chercher un peu plus dans les scènes de terreur que le remake. Cela dit, même si j'avais trouvé le film moyen à l'époque quand je l'ai vu au cinéma à cause de ça, à force de le revoir, je le respecte beaucoup parce que c'est un remake qui tente de se démarquer pareil. Oui, c'est la même structure, la même histoire, les mêmes scènes clés qui vont être là, mais le réalisateur tente d'apporter ça de manière différente avec ce couple américain qui vont habiter au Japon, qui vont être un peu mélangés par la culture, puis c'est comme un genre de clash. Plutôt que d'américaniser tout ça comme ils ont fait avec The Ring. Tu sais. Oui, ça, c'est ça que j'ai aimé, mais je le savais pas, moi, quand j'ai écouté The Grudge, la première fois, moi aussi. Pour vrai, là, je savais pas que ça se passait au Japon. Moi, dans ma tête, il y avait juste américanisé un film, j'étais comme... Oh. Puis honnêtement, plus je revois le remake de The Ring, plus je l'aime moins. À l'époque, c'est un film qui a foutu de la chienne, mais honnêtement, comparé à Ringu, j'aime pas les origines du remake. Je préfère vraiment l'original. Tandis que The Grudge, ben, ça passe parce que c'est vraiment la même chose en tant que telle, mais en étant un peu moins, comme je disais, un peu moins effrayant. Mais j'aime beaucoup ce film-là. Je crois qu'une des scènes les plus réussies, puis ça, c'est vraiment à cause du budget que le réalisateur s'est permis d'aller plus loin dans ses visions. J'aime beaucoup la scène de l'ascenseur avec les étages, que tu vois le petit... j'ai oublié Toshio. Son nom, là, ça, Toshio, à chaque étage. Je trouve ça vraiment cool, ça fait son petit effet. Puis le casting est bon. Sauf que moi, j'ai vu la plupart des suites qui, ouch, n'allaient pas si loin que ça, s'il vous plaît, cher public, si vous n'avez pas eu la chance de voir les suites, parce que j'ai vu les deux dernières avant le Versus avec, Sylvain Desmenti au Fantasia, puis mon Dieu, c'est de la torture, parce que toutes les suites, c'est la même structure. Ça devient lourd. Autant c'est innovateur à l'époque, cette espèce de structure décousue, autant ça devient difficile avec les suites parce qu'on connaît un peu la donne, puis là, ça devient long. Puis on est comme, OK, on veut plus les scènes de frayeur que la structure, puis qu'est-ce qui s'est passé avec la famille. Tu sais, on est au courant là, de ce qui est arrivé avec les parents de Toshio, puis de la mère, puis tout ça. Fait que ça tourne en rond. Tandis que le Versus, mais moi, je saute tout de suite. Je vous recommande forcément. Ça a été mon premier film d'horreur que j'ai vu cette année. Et merci. Encore un de mes favoris. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, je te seconde, Steven. C'est juste du gros fun, honnêtement. Allez là, puis vous allez vous éclater. La structure. Il est encore sur Shudder? Oui, c'est une exclusivité, fait qu'il va rester là. La structure décousue n'est pas là, fait que c'est vraiment le fun, c'est fluide. Ça s'auto-parodie par moment. Il y a de l'auto-dérision là-dedans. Puis... il y a parmi les scènes les plus effrayantes qu'on a eues depuis les originaux avec le petit Toshio. Là. Ouais, très efficace. Puis visuellement, ça a de la gueule. Là. Tu vois qu'il y a une belle photographie, techniquement, ça réussit. Puis mais une belle grosse finale, what the fuck, de ton t'en fous plein la gueule. Puis t'es comme, shit. Tu te dis, comment tu peux faire un combat entre deux entités? Je m'en fous. Puis finalement, ben. Ça marche. J'étais comme cool. C'est quand même nice comme fight, si on veut. Là. Le prétexte d'aller faire se fighter est écœurant. Là. L'idée est très bonne. Très bonne idée, ouais. C'est vraiment un film surprenant. Je vous le conseille fortement. Et, je suppose qu'en 2017, logiquement, le petit Toshio, c'est plus le même acteur qu'il faisait à l'origine. Comment est-ce que c'est expliqué un peu ça? S'en fout. C'est difficile à dire pour la simple raison qu'ils se ressemblent. Soit qu'ils prennent un enfant qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, là, je pourrais pas te dire, mais c'est assez similaire. Même la mère, j'ai de la misère à voir les différences depuis les années. Je trouve que. Est-ce que c'est un peu comme remplacer Freddy Krueger dans le fond? T'sais, c'est peut-être pas aussi iconique, mais quasiment. Là, c'est... Ouais, mais tu sais, ça reste un petit gars. Avec la même coupe de cheveux. Avec la même coupe de cheveux, même maquillage, même face à s'ouvrir la bouche. T'sais. Ouais, pas mal. Fait que... non, la mère, elle a les cheveux dans la face. T'sais, c'est... Ouais, mais c'est parce qu'aussi, le petit gars, tu vas accepter que ce soit pas le même acteur parce que tu es un enfant. Freddy Krueger, ils l'ont tu sais, il est encore là, il est encore vivant, puis il l'a tellement bien personnifié, c'est pour reprendre lui. Mais tu sais, Jason a changé au cours des films, puis on s'en sait qu'on a mis un masque, ça paraît pas. T'sais. C'est surtout aussi que Freddy Krueger, Robert Englund a vraiment un visage unique. Fait que ouais. Je veux dire, tu peux pas juste changer d'acteur puis espérer que ça soit identique, même si tu fais le même maquillage. Là. Fait que c'est perdu d'avance. Là. Mais c'est ça, moi je vous le recommande, The Grudge, c'est une bonne version américaine, mais si vous avez jamais vu du tout les versions, je dirais, allez-y avec les versions japonaises, je crois qu'ils ont un petit côté effrayant, un peu plus fort que le remake. Là. Sont-ils facilement trouvables, les versions japonaises? Dans le temps, oui, les DVD, c'était comme distribué par Lion Gates, puis c'est surtout c'est... En fait, c'est parce que Sam Raimi a vu la version originale, puis il a eu la chienne de sa vie, puis c'est là qu'il a décidé de financer le réalisateur pour faire une version américaine. Vous l'avez pas vraiment abordé, mais ça se peut parce que ça soit rien que moi, mais ça vous a jamais arrivé vraiment de lever le nez sur un film à cause d'un réalisateur ou d'un acteur, de voir ça? Ben oui, souvent. Souvent, oui. Ben c'est ça. Fait que vous comprenez pourquoi j'ai levé le nez là-dessus ou pas pantoute? Ben oui. Oui. C'est juste que ça donne pas aux mêmes époques pour tout le monde, mais à même âge ou à même année. T'sais. Moi, c'était plus la période genre Independence Day en 96. Je venais de pogner 19-20 ans, puis j'étais comme « fuck c'est les Américains, là, tu sais ». Non, c'est ça, OK, parce que c'est juste parce que ça n'a pas été effleuré. Fait que c'était beaucoup de ça que je voulais qu'on parle du film, bien sûr, et de votre expérience du film, et de savoir, tu sais, y a-tu des... Puis ces films-là, vous les réécoutez, vous les aimez ou pas? Tu sais, le film qu'on lève le nez, puis après, on fait « fuck, j'aurais pas dû lever le nez dessus ». Ça vous est déjà arrivé. Mais j'arrive pas à me trouver un exemple là. Souvent, mais je veux dire, ça m'arrivait un paquet de fois que j'ai laissé faire un film parce que sa bande-annonce était mauvaise puis que j'avais juste un mauvais feeling. Puis plus tard, je l'ai revu puis j'ai comme fait « Ah, pourquoi j'ai fait ça? » Ça l'arrive, mais c'est vrai, comme Sébastien, j'ai pas d'attente. Mais gars, lui qui me vient le plus à l'esprit, puis ça a pas pris de temps avant que je le vois pareil, c'est The Boy. Quand j'avais vu la bande-annonce, j'ai comme fait « Non, merci, j'ai pas besoin d'un film de poupée ramanchée comme ça qui a l'air vraiment prévisible et fait pour ado. » Puis lorsque j'ai vu le film, j'ai comme fait « Ok, non, c'était pas ce que j'imaginais du tout. » Ok, cool. Ouais, des fois tu vois un film sur le tard, tu fais « Ok, là, dans le fond, j'ai manqué le bateau, puis il est trop tard pour vraiment rattraper, puis... » C'est plus la bonne époque pour le voir. J'ai plus l'âge. Je l'aurais aimé quand j'étais jeune, mettons, mais là, je l'aime plus. Ou des fois, t'en vois un, comme moi, j'ai découvert Amélie Poulain, genre 12 ans plus tard, parce que sur le coup, je voulais rien savoir de le voir, tu sais, parce que c'était trop populaire. Mais après ça, j'ai fait « Ah oui, finalement, c'est bon, ce film-là », puis je l'ai revu 2-3 fois depuis. Là. Ou tu sais, comme en ce moment, quand Alien Covenant se fait démolir, il y en a sûrement qui vont l'éviter, puis vont peut-être le voir plus tard. Fait tu sais, je vous le dis, là, évitez-le! Fuck! Évitez-le! Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est exactement cette conversation-là que je voulais amener avec The Grudge. Tu sais, juste pour le plaisir de dire, il y a des fois là, qu'on passe à côté de quelque chose. Là. Puis moi, j'ai vraiment passé à côté de The Grudge. Vraiment. Puis là, je suis comme, merde, j'ai la chienne de ma vie. Puis là, j'arrête pas d'en parler à tout le monde autour de moi. Je suis comme, on écoute The Grudge, on écoute The Grudge. Je suis comme, non. Puis il y a vraiment, j'ai fait une soirée d'horreur. Puis je voulais écouter ça. Puis l'autre, en fait, non, c'est trop épeurant. Genre, ça fait trop peur. Comme. Puis je suis comme, puis moi, j'ai passé à côté, genre, de ma peur. Veux pas, le remake de Grudge a fait un gros buzz à l'époque. Je veux dire, côté publicité, c'était partout. C'était considéré comme le film le plus effrayant depuis The Ring. Fait que, si t'avais été là à l'époque, t'aurais pas vraiment manqué le bateau. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, si les gens veulent pas en parler avec toi, c'est peut-être parce qu'ils ont eu une écœurantite aiguë de The Grudge. Puis ils veulent juste. Ouais. En effet, là, tu sais, c'est comme. Ah ouais, ok, The Grudge. Je pense qu'il y a du monde qui font comme Vicky. T'étais où? Oui, c'est ça! Puis faut dire que le G-Horror de cette période-là avec The Ring et The Grudge, ça a duré des années. On a eu des navets. On a eu d'autres excellents films, mais on a eu beaucoup de navets. Ouais, c'est Pulse, c'est juste c'était le meilleur exemple de navet. Là. Ouais, le remake, là, c'était affreux. Là. Pulse, le remake. Il y avait Pulse. Shutter aussi, là, le truc d'appareil photo. Là. C'est ouais. Oui, le film thaïlandais, il est super effrayant, puis il était cool, mais ce remake-là avec Monsieur Dawson Creek, c'était mauvais, là. Ouais. Ils ont comme essayé après ça de vaguer là-dessus, là. Mais tant qu'être dans la conversation des films qu'on a boudés à une certaine époque, je vais vous poser la question de même, mais je veux pas lancer une grosse discussion là-dessus, mais juste brièvement, pourquoi tous les trois, vous avez pas vu Twin Peaks, la série et tout ça? Ben moi, j'ai vu la première saison, j'avais commencé la deuxième. Okay. Moi j'adore, mais c'est juste que ça a jamais donné que je la continue, parce que c'est ce que je veux continuer. Là. J'avais dévoré cette première saison-là. C'est quelle année? Je comprends cette fascination pour Twin Peaks. Il suffit d'écouter deux ou trois épisodes de la première saison, puis t'es comme What the fuck, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Pourquoi faut que je les écoute? Et c'est la première fois que je vais servir cette expression-là parce que je ne vais pas l'utiliser comme on l'utilise généralement. Le cerveau à off. Parce que j'essaie trop de réfléchir quand j'écoute Twin Peaks et j'essaie trop de l'associer à des choses que je connais et ça fait en sorte que je me prive d'un plaisir, j'en suis convaincue. J'ai écouté une saison et demie, je me suis tannée, j'ai pas envie de la binge-watcher. Et vraiment, là, j'ai l'impression que ça tourne en rond énormément. Fait que, mais là, la troisième saison, j'ai des gens encore ce soir au bistrot qui en parlaient. Je sais que je vais l'écouter, mais je sais que je dois recommencer à zéro et c'est ça qui me tente pas. Ça tourne en rond parce que aussi, tu comprends là. Rien. Puis c'est genre, t'es tanné de tourner en rond, toi. Non, il y a un creux de vague au milieu de la deuxième saison. Il y a vraiment... Ok, je l'ai pas vu la deuxième, c'est pour ça. Ouais. Mais il y a un creux de vague. Puis tu sais, mettons, comme il y a une série, je pense que ça s'appelle The Fall, The Falling, sur Netflix, ouais. Entre autres. Puis elle est vraiment très, très, très similaire à Twin Peaks au niveau de ses thèmes et non au niveau de sa structure, mais vraiment au niveau de ses thèmes. Puis celle-là, j'ai adoré. Fait qu'on dirait à chaque fois que j'ai comme. Ben, j'ai préféré la copie. Si on en retourne à The Grudge, là, j'ai préféré la copie. Parce que c'est une copie, là. C'est une cheerleader qui a été assassinée, puis on doit trouver. Tu sais, vraiment, là, il n'y a pas de cachette. Mais j'ai préféré la copie. Alors, retourner à Twin Peaks et vraiment comprendre le phénomène est difficile pour moi. Mais ouais, pense que la saison 3 s'inscrit dans mon époque, et donc j'aurais plus de facilité à accrocher. C'est une question d'époque, dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que le café puis la tarte est bonne dans The Falling? Non, mais j'ai pensé en plus en le disant, la fille inspecteur, est-ce qu'elle parle du café? J'ai pensé en plus. Mais non, là, c'est certain. Tu sais, ça fait un mois qu'à chaque fois que quelqu'un me prend un café, « Damn, that's a good coffee! » Puis je suis comme, « Oui, je vais l'écouter, c'est bon! » Mais ouais, il y a ça. Faudrait que je me la retape au début, là, du début. C'est ça! Là. Puis Steven, on le sait, il finit jamais ses séries. Fait que... Non, mais ça, c'est sorti à une époque que j'écoutais pas vraiment les téléséries. Là. Fait que je m'y intéressais pas vraiment. Là. C'est juste ça qui est arrivé. Moi, je l'ai découvert 10 ans plus tard. Puis... Je l'ai découvert en 2000. J'ai, ça, a sorti, ça, c'est, ça a été diffusé en 90-91. Je l'ai découvert en 2000. T'sais. Ouais, puis tu sais, c'était pas facile d'accès à l'époque là, d'avoir ça. Là. Moi, j'ai des cassettes ou des loups, peu importe. Moi, je me suis pogné à l'époque. La seule façon d'écouter ce DVD-là ici, ça a été de me commander une copie cheapette coréenne piratée sur eBay. Dans le temps que tu commandais quelque chose sur eBay, puis là, tu recevais, tu fais comme ah, ouais, ok, c'est pas une officielle. Ben moi c'est un de mes chums qui l'a copié à TV là, c'est okay. Les deux saisons complètes mais il les a passées en français puis j'ai tapé deux trois fois d'affilée, je pense j'ai vraiment adoré ça là. Mais là deux ans il était sur Netflix pareil. Ouais ben ouais. ils sont plus non ils sont pas sur Netflix. Oh. Quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une troisième saison ils les ont mis sur Netflix. Ouais puis après ok mais là c'est chaud. C'est Showtime qui a diffusé, puis je sais que les émissions de Showtime sont sur Crave TV, fait que c'est Crave qui est en ce moment, je pense. Okay. À l'époque, mais, il avait sorti un gros coffret de Twin Peaks en or, mais c'était pas achetable. Là? Moi, je lis le DVD, oui. Le coffret DVD de ça, en or. Donc, c'était pas achetable. Bon, JF, il est riche! Mais, on peut débarquer de ce sujet-là. Je voulais juste... Tantôt, j'ai cherché la signification de Ju-on, puis j'ai un site qui me dit que littéralement, Ju-on, les deux mots J-U trait d'union O-N, ça veut dire curse trait d'union grudge. Ok, ça répond à ma question. Malédiction et grudge, c'est quoi? C'est pas haine, là, mais. Rancune. Rancune, ouais, c'est ça. Good. Ouais, je pense que ce serait ça. Vicky, y a d'autres choses que tu voulais. Non, je trouve que ça fait le tour, ça répond vraiment à cette espèce de sujet mais, que je voulais... Buffy est bonne là-dedans, on oublie un peu son personnage des 7 saisons de Buffy, t'sais, elle joue quelque chose de différent, puis elle est bonne là-dedans. Mais c'est qu'on la quitte pendant une demi-heure, 45 minutes. On la quitte, moi, là, quand que j'ai vu que le film avançait vraiment longtemps sans elle, j'ai fait « Hey, t'as tellement passé à côté de quoi, tu critiques un film selon son actrice qu'on voit même pas. » Puis tu sais, c'est un peu l'effet de Scream avec Drew Barrymore. on mise sur une actrice, puis finalement, regardez, on l'a pas tant misé dessus, là. On vous a fait à croire que, mais, tu sais. Ben, en fait, c'est parce qu'il voulait reprendre la gimmick de Psycho. C'était comme voulu, là. Avec Drew Barrymore, ouais. Mais ça, je comprends, mais c'est que moi, je pensais vraiment qu'on misait sur le couple acteur. Pas pantoute, là. Pas pantoute. Non, non. Ça, c'était... Puis je pense que pour elle, ça a été une belle façon de sortir de Buffy rapidement là, avec ce film-là. Là. Mais après ça, elle n'a pas été poignée dans des films d'horreur. J'en ai pas fait un autre truc, là. Elle n'était pas dans I Know What You Did? Skeleton Key, c'était pas ça. C'était non, c'était... ouais. Non, c'était Kate Hudson. Kate Hudson, okay. Ouais. C'était très vu, bon, Skeleton Key, by the way. Il me semble, dans mes souvenirs, c'était bon. Je l'ai pas vu, mais je me rappelle que c'était une blonde. Mais t'as raison, elle jouait dans I Know That You Did Last Summer, bref. Puis ouais, Cruel Intentions, fait qu'elle était dans des films d'horreur. Ouais. Ouais. Cruel Intentions, que j'ai jamais vu non plus. T'as jamais vu, mais qui n'est pas dans un film d'horreur, pardon. Mais non, qui a eu ce baiser de entre elle et Selma Blair. Selma Blair. Selma Blair. Ouais, qui avait fait... qui avait fait parler, parce que, mon Dieu, avec deux filles qui s'embrassaient. Ouais, ça, même si t'as pas vu le film, tout le monde l'a vu, ça. Oui, en tout cas, tous les gars straight, célibataires l'ont vu. Tout, ouais, c'est ça. À l'époque, on l'avait tout déjà vu. Ouais, à l'époque, ça, puis Wild Thing. Ah, mais Wild Thing, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon, ce film-là. Ouais. Comment tu peux dire ça de l'autre, tu l'as même pas vu? C'est peut-être vraiment bon. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ça n'a pas rapport avec l'autre. Je vais juste dire que Wild Things, en tant que tel, c'était vraiment bon. C'était surprenant. Oh mon Dieu, Wild Things. Ok, oui. Il y avait un revirement à toutes les 5 minutes. À la fin, il me semble qu'à la fin, tu as comme 4 revirements différents. C'est comme, what the fuck? Sébastien Bateau. Le Kevin Bacon, je pense que tu as Bill Murray là-dedans. Tu as toutes sortes de monde. C'est fou. Kevin Bacon. Le Matt Dillon. Ok, ouais, ça c'est quelque chose. Dennis Richards, puis est-ce qu'on ça? Neve Campbell. Campbell, mais on s'entend, c'était le ménage à trois qui avait marqué à mais l'époque. Oui, oui, oui. Non, non, c'est le pénis de Kevin Bacon. De what, de qui? Depuis le temps que j'entendais ça. Ben non, mais il y a un front du pénis de Kevin Bacon qui sort de la douche. Écoute, nous autres à l'époque, c'est vraiment pas ça qu'on remarquait, mais c'est correct, si vous avez... Ben restez avec votre French Kiss dans un Paris cruel puis laissez-nous le pénis de Kevin Bacon. C'est correct, regarde, ce film-là... Non, dans Wild Things, t'avais pas juste le baiser de Paris cruel, là. T'avais le ménage à trois. Fait que, ben écoute, ça veut dire que Racoleuse avait de tout pour tous les goûts. Tellement qu'il y a eu deux suites. Oui, qui finissait par juste essayer de rattraper cette gimmick-là. Juste de ménage à trois. Oui. Tu faisais juste dire, j'ai écouté la suite, j'ai sans mieux d'être deux filles qui French. Il est mieux d'avoir deux filles qui French, sinon j'ai perdu mon temps. Hey, ben là, on va y aller quand même avec nos recommandations sur ce film qui est Paris cruel. Non, excusez, The Grudge. Vicky? Ah, c'est un achat compulsif que je n'ai jamais fait parce que je me suis fait donner un copier. JF? Ben, en ce moment, il est sur Netflix. Fait que profitez-en et regardez-le sur Netflix. Mais ouais, ça pourrait valoir un achat. Je ne l'ai pas acheté, mais ça pourrait. Mais encore là, je pense que l'original est meilleur, comme Steven l'a dit. Puis dans mes souvenirs, c'était meilleur. Fait que j'opterais plus pour l'original, en fait. Ok. Ben, je vais me l'écouter. Je ne l'ai jamais vu. Je vais l'écouter. Ben, moi, je vais dire pognez-le. Écoutez, le Blu-ray des. Non, c'est pas un Blu-ray, excusez, c'est un DVD avec les trois de Grudge, même si les deux suites sont pas très très bonnes, là, mais c'est 8$ sur Amazon là, pour. C'est pas si pire, honnêtement. Ouais. Ouais, bon. Les suites là, puis même le troisième qui est un direct to DVD, c'est vraiment pas si pire. Ok, ben pour 8$, je pense que c'est un no-brainer, Steven. Mm-hmm. Écoute, j'ai l'impression que j'ai pas dit grand-chose sur le film, mais je conseille un achat pour la simple raison que j'ai eu le coffret à l'époque pour 8$ au Tic Géant avec les trois films. Fait que ça vaut la peine. Tic Géant. Hey, on s'en va en musique avant de revenir pour le film Under the Shadow. On se laisse en musique avec la chanson thème de Buffy the Vampire Slayer. Puis on se retrouve après. We'll be right back. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Under the Shadows, c'est un film qui est arrivé vraiment très dernièrement. C'est pas dans la dernière année, c'est 2016 sur Netflix. Et c'est un film perse qui se déroule après la guerre Iran-Irak, donc une guerre qui a vraiment, vous pouvez lire là-dessus, c'est assez catastrophique et qui a fait autant de morts d'un côté et de l'autre. Et le résultat de la guerre a surtout été fait que les frères musulmans ont pris pouvoir dans en Iran. Et l'Iran qui était un pays très libéré avant l'arrivée des frères musulmans. Tous ces faits-là sont importants parce que nous sommes dans un building où la guerre a encore lieu et qui est constamment bombardée. Et la mère d'une petite fille croit que soit sa fille, soit l'appartement, soit le building, il y a quelque chose qui est tenté. Et il y a un esprit frappeur qui frappe justement dans son appartement. Est-ce qu'il est accroché à sa fille? Est-ce qu'il est accroché à l'appartement? Elle ne le sait pas trop, mais elle croit, selon les croyances et les mythes de la religion musulmane islamique, que selon ses croyances, il s'agirait d'un djinn. Je le prononce correctement, j'espère. Djinn. Comme donc, la boisson. Oui, exactement. OK, là, je vais m'en souvenir. Ou tu peux l'appeler aussi Nathaniel. OK. J'arrête pas de faire des références à Wishmaster, je sais, juste ça, c'est correct. Là-dessus, je m'excuse. Et bref, Nathaniel, t'es-tu content? et elle comprend en lisant que probablement que l'esprit frappeur est attaché à sa maison, mais qu'il pourrait se coller à sa fille si elle ne retrouve pas la poupée de sa fille. Et c'est pour ça qu'elle ne quitte pas l'immeuble en bombardement. Et elle se retrouve dans un enfer et dans un isolement total. Je pense que je vais vous laisser. Juste, vous l'avez vu le film dernièrement, ou en tout cas, parlez-moi du film, votre expérience que vous avez vue à la suite de ce film-là. Je vais y aller. Vas-y. Under the Shadow a longtemps été, pas longtemps, mais je veux dire, à sa sortie, a été un peu comme appelé le nouveau Babadook. Parce que ça reprend un peu le même genre de structure où ce que une mère un peu prise seule avec son enfant croit à une légende, la mère elle signe des sornettes jusqu'à ce que la petite fille finisse par la convaincre et elles devront ensemble combattre cet esprit ou ce démon, whatever. Et à ma première écoute, j'avais vraiment aimé ça. Mais ce qui m'avait marqué plus, c'était le fait que le film était dans un contexte qui est terriblement lourd, tu sais. Ce qui est le plus effrayant dans le film, c'est quasiment pas les scènes de fantômes ou quoi que ce soit, mais c'est les scènes, tout ce qui se passe avec les bombardements, tout ça, la mère qui... Tu sais, je me souviens d'une scène où la mère, elle sort en pleine nuit parce qu'elle a la chaîne de sa vie, mais il y a des polices qui le voient puis qui font comme... Qu'est-ce que tu fais à Tricken même? On n'est pas, je sais pas trop où, on n'est pas en... On n'est pas en Occident, ma soeur. Ouais, on n'est pas en Occident, ou je sais pas trop. Là, parce qu'elle n'a pas, son burqa. Donc là, tu te dis, what? OK, fuck, elle est vraiment... Puis elle risque le fouet, là, tu sais. Oui, c'est ça, elle risque le fouet pour pas avoir fait ça, mais elle s'est juste souvent en pleine nuit parce qu'il y avait un démon dans sa chambre. Fait que c'est ça qui était plus effrayant, tu sais. Mais c'est ça, deuxième écoute, je me demandais qu'est-ce que j'en ai en penser, puis c'est encore ça qui m'a le plus marqué. Côté horreur, oui, il y a quelques bonnes scènes, mais c'est vraiment l'horreur de la période, puis le contexte qui est le plus effrayant là-dedans. Puis, tu sais, dans d'autres films, ce que tu dis... Admettons, dans Babadook, ce que tu fais, ouais, mais elle a juste à demander de l'aide. Ah, mais elle a juste à aller voir telle personne. Elle a juste à faire ci, elle a juste à faire ça. Mais dans ce film-là, là, elle a juste à rien faire pantoute parce qu'il n'y a rien pour elle. C'est complètement fou comment elle est désemparée puis démunie. Là. Et c'est ça qui fait le plus peur là-dedans. Puis c'est tout, tout son rapport avec les hommes, même avec son mari qui a de l'air de lui dire qu'elle n'est pas capable de s'occuper de sa fille, tu sais. Que genre dis ce que fais ce que je t'ai dit de faire là, puis ça va bien aller là, puis si vous réussissez pas à vous en sortir, c'est parce que tu m'as pas écouté là. C'est rough comme film, mais c'est un excellent film. J'avais vraiment vraiment aimé ça. Jeff, je te lance la balle. T'as utilisé les mots désemparé puis démuni pour la décrire, puis je la vois pas de même pantoute, parce qu'elle a dit à son mari un million de fois qu'elle veut rien savoir d'aller dans sa belle famille. Elle veut rester dans son appartement, dans sa maison, en fait. Puis elle dit non, tu sais, moi, je vais rester ici malgré des problèmes, malgré tout, malgré des bombardements. Là, je l'ai adoré, le personnage, parce qu'elle est forte. C'est ça. Le mot est pas juste. Elle est forte par elle-même, mais elle a aucune ressource autour d'elle pour s'en sortir. Elle a que elle. C'est ça que je veux dire par désemparée. Sa belle famille est prête à l'aider, mais on n'y va jamais. Sa mère vient savoir de ça. Mais c'est ça, moi j'ai mon film d'horreur préféré de la décennie actuelle, ça reste Babadook. C'est vraiment le film qui m'a le plus plu. Puis lui, il est comme juste un petit poil en dessous, mais je l'ai vraiment adoré. Là. J'étais comme, ok, j'étais dedans à fond, puis j'ai adoré. Puis on a parlé avant de commencer le segment d'un autre film, je n'aimerais pas lequel, mais on en parlera bientôt. Mais j'ai parlé d'un film que j'ai réécouté, puis que je voulais revoir tout de suite après l'avoir fini. Mais lui, c'est la même chose. Là. Lui, je l'ai fini, j'étais comme, ah, je veux le revoir tout de suite, j'ai trop aimé ça. C'est bien réalisé, c'est bien acté. J'ai adoré la femme, puis sa petite fille. T'sais, les deux actrices ensemble sont superbes. Puis juste le début avec le mari, là, moi j'aurais pris. J'ai même pas besoin du film d'horreur ou du contexte. Le contexte est important là-dedans, mais j'aurais pris juste les scènes familiales. Puis avec le mari, j'étais comme j'aimais ça, la dynamique, les conflits, puis tout. J'aimais vraiment ça, toutes ces petites scènes-là. C'était bien filmé. Puis tu sais, il y a des trucs, des plans des fois qui sont super beaux, comme la bombe qui tombe à un moment donné, qui rentre dans l'immeuble. T'as un plan d'un vieux monsieur qui couchait à terre, puis t'as la bombe qui fait comme il rentrait dans le ventre, la manière que c'est filmé. Là, ça, il rentre pas dans le ventre, mais elle est filmée derrière lui, parce que je trouvais ça super beau. Puis les effets spéciaux sont, quand on voit des trucs surnaturels, sont juste assez brefs pour pas trop me déranger, parce que ça aurait pu être mal fait. C'est très CGI, là. Très CGI, mais ça m'a pas dérangé parce que je me suis dit c'est trop bref pour être dérangeant. Ouais. Fait que, c'est juste assez. Sauf que ce qui me dérangeait, en fait, c'est que le film utilise trop les jumpscares. Un petit peu trop. Pour rien. T'sais, des fois, un téléphone qui pouf, qu'on replace sur le réceptacle, des trucs comme ça. C'est quand même gros bruit fort. Dans à travers la porte, là, qui passe vite, c'est ça, t'sais. Comme ça. Là. Mais ça, c'est surnaturel, mais je veux dire que des fois, quand c'est juste un téléphone qui sonne ou qu'on dépose, c'est comme, ça sert à rien de mettre un gros bruit fort là-dessus. Là, c'est juste pour faire une transition d'une scène à l'autre, pour faire un saut, pour dire « Hey, êtes-vous encore là? » Il y a de l'horreur, c'est un film d'horreur, on veut vous le rappeler. Là, vous allez faire des sauts. Là, mais non, j'ai adoré le contexte, comme tu dis, quand justement, elle se fait arrêter puis se fait donner une réprimande pour être sortie habillée de manière occidentale. Mais c'est ça, chez eux, elle s'habille comme ça, puis c'est ça qui est cool. Elle est vraiment... Moi, chez nous, dans mes murs, je me calisse de la loi. J'ai un magnétoscope, elle n'est pas supposée d'en avoir un. Son magnétoscope, c'est la grosse histoire. Elle suit les vidéos de Jane Fonda, les vidéos d'aérobic, tu sais, puis c'est comme... Non, moi, chez nous, je vis comme une occidentale, mais c'est ça, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison ou qu'il faut qu'elle sorte, là, c'est comme, faut qu'elle soit une femme iranienne typique, soumise et tout ça. Puis sa face qui se défait là, quand elle devient. Oui. C'est fou, là. Elle qui est si belle, puis tout ça, dans son appartement, qui devient comme. Oui, c'est ça. La face penchée, le regard tombant, puis c'est déprimant. Puis tu comprends qu'elle n'est pas toute seule, puis toutes ces femmes-là que tu vois souvent voilées et tout ça, c'est... Ben de l'époque, mais j'imagine encore de nos jours, c'est ça. Il y en a qui sont. Il y en a qui le font librement et tout, puis qui aiment ça, mais d'autres que c'est comme. C'était ça leur réalité. Là, t'essaies de vivre librement dans ta petite vie intime, mais dès qu'il faut que tu sortes, t'es pogné pour suivre la loi. C'est vraiment pernicieux, si vous me permettez. Quand il va voir le propriétaire de l'immeuble, va voir le mari, Il lui dit la porte du garage est toujours mal fermée. Dites à votre femme de la fermer. Là, il dit ouais. Pourquoi ce serait ma femme? Mais ce qu'il veut lui dire, le garagiste, c'est pas que la porte est mal fermée, c'est comment pouvez-vous tolérer que votre femme conduise? Ouais. C'est ça le message. Je vais laisser Steven quand même nous dire ce qu'il se rappelle du film, parce que je pense qu'il se rappelle pas mal ce que nous on est en train de dire, mais j'embarquerai après. Eh bien, encore une fois, je suis pas supposé être présent à cet épisode-là, fait que prenez mon opinion pour Under the Shadow pour des peanuts, parce que le film est vague dans ma tête. Je m'en souviens juste que j'avais très hâte de le voir, parce que le film a fait un buzz, comme Sébastien a dit, puis on parlait vraiment d'un film effrayant et intelligent, bien écrit, avec un message social de fond, tout le kit. Et mes attentes étaient hypées, puis je pense que c'est une des rares fois dans les dernières années où que j'ai été un peu déçu. Under the Shadow, je trouve que c'était un excellent drame pour les mêmes raisons que vous avez mentionné, Sébastien et Jean-François, à cause de son aspect social là-bas, la manière que ça fonctionne, c'est comme elle ne peut pas avoir de l'aide aussi facilement que dans une autre place, puis le contexte de la guerre qui peut éclater à tout moment sur la ville, c'est effrayant, surtout que l'immeuble, les gens restent dans un immeuble avec une bombe sur le dessus qui apparemment est peut-être sans danger, mais qui, je sais pas, je trusterais pas, moi, j'aurais quand même la chienne que ça finisse par exploser. Tout ce contexte-là, je trouvais que le film était très réussi, puis j'aimais beaucoup l'actrice principale avec sa fille, mais j'avais tendance à le comparer à Babadook. Je sais que c'est pas bien de faire ce genre de choses-là, mais Babadook est vraiment venu me bouleverser émotionnellement, puis je m'attendais à ce que Under the Shadow fasse ça, et même si je trouvais le film dramatiquement très réussi et que je m'intéressais au personnage, je trouvais que c'était jamais de la même ampleur que de Babadook, et surtout son aspect horrifique. Le film me laissait beaucoup sur ma faim dans son côté horreur que je tant qu'à moi, il aurait pratiquement pu le faire sans ça, malgré quelques apparitions réussies, dont la meilleure du film avec son mari qui est couché à côté d'elle. Cette scène-là m'a rappelé une scène de Mario Bava, Choc. Je ne sais pas si les gens qui ont vu le film vont se rappeler, là, mais il y a un effet qui est réutilisé comme ça, qui est vraiment efficace, puis je trouvais que ça marchait dans cela. Mais tu sais, comme je trouve que le film a une bonne ambiance sur l'immeuble qui vient un genre de personnage à part entière. Surtout à partir de quand la femme reste tout seule dans l'immeuble, ça devient lourd, méchant de bonne ambiance. Je trouve que c'est bien travaillé. Pour un premier film, je crois que c'est un premier film, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment impressionné par le côté technique et la maîtrise du réalisateur. Mais encore une fois, sa finale m'a laissé beaucoup sur ma faim. Je trouvais pas que je m'emmerdais, mais je la trouvais pas vraiment effrayant. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, mais encore une fois, j'étais très très hypé, puis au point que quand j'ai fini le film, je me suis dit que ça me tentait pas de le revoir forcément dans ma vie. J'étais comme, j'aimais ça le voir une fois, mais je ressens pas le besoin de le revoir, alors que Babadook, j'étais prêt à le revoir automatiquement. Puis, veux pas, je trouve que c'est deux films qui marchent dans la même ligue, c'est pour ça que je les compare. Je crois que Babadook a entraîné une série de films de ce genre-là, puis on en a eu plusieurs, et Under the Shadow en fait partie. Je crois que c'est peut-être un des meilleurs de cette vague-là qu'on a eu, contrairement à d'autres qui sont vraiment merdiques. Mais c'est ça, moi, ça m'a juste pas tant marqué comme je l'espérais. Mais je le déconseille pas, là. Je crois que c'est un film qui vaut la peine d'être vu, mais pas forcément pour son côté horrifique. Je crois que plusieurs gens risquent d'être déçus là-dessus. Puis c'est souvent ça que je voyais. Je voyais des gens démolir ce film-là à cause que c'est pas effrayant, il arrive pas grand-chose. Non, justement, attendez-vous à avoir un drame ou que son horreur, c'est vraiment plus ancré dans la réalité de ce mode de vie là-bas et de comment les choses vont. Je crois que c'est ça que le film effraie, mais je crois qu'en même temps, on a eu tellement de films qui traitent de ce sujet-là dans d'autres qui sont pas horrifiques, genre que c'est vraiment plus des drames, puis que j'ai trouvé peut-être plus abouti. Mais non, c'est ça. Comme je dis, prenez mon opinion un peu avec des pincettes, parce que c'est vague, là, je sais pas, peut-être que je l'aimerais plus maintenant, mais je ressentais pas le besoin de le revoir. Je serais curieux de savoir comment que le film a été reçu dans ces pays-là. Ça a-tu une grosse sortie là-bas, je sais pas, mais en tout cas, je suis vraiment curieux de savoir. Le film a vraiment été bien reçu, au point qu'il a été sélectionné pour représenter les Oscars. Finalement, il n'a pas été choisi, mais il a quand même été sélectionné. Fait que c'est déjà un gros pas. Parce que c'est une copro du genre de 4-5 pays. Ben, ça devait être Perse, tant qu'à moi. Là. Mais oui, c'est vrai, ça avait été choisi, je me souviens de cette histoire-là, mais ouais. Il y a 4 pays, en effet. La langue, c'est perse, l'Iran, ouais, Qatar, Jordanie et Royaume-Uni. Je pense que c'est l'Iran qui devait représenter. Encore une fois, je ne suis pas sûr. Il y a quand même un grand programme de cinéma en Iran, fait que ça se pourrait fortement. Ben, je suis vraiment contente de vous avoir entendu parler parce que c'est exactement le feeling que j'avais. C'est le genre de film que je conseillerais énormément. Mais à part quelques fantômes, genre celui-là qu'elle voit quand elle est dans son lit, là, tu sais, qui est dans son lit avec elle, là, lui, il fait vraiment flipper, on s'entend, là. À part celui-là, c'est vrai que les scènes horrifiques sont vraiment moins intenses que les scènes dramatiques. Et c'est là où que c'est ce que j'aurais, je voulais vous entendre dire, pas que je vous mette les mots dans la bouche, mais je suis vraiment contente de voir qu'on se rejoint là-dessus, que ce film-là, Motu, c'est pareil. C'est le genre de film que les scènes d'horreur m'ont moins marqué 2-3 mois plus tard que les scènes de la vie quotidienne, les sous-entendus. La petite fille dans le film, en fait, elle se fait parler du djinn la première fois par un petit voisin qui habite dans le même bloc qu'elle. Mais le voisin, ce petit voisin-là, c'est vraiment dramatique ce qu'il vit, là. Il a perdu toute sa famille, il est arrivé chez son oncle et sa tante ne l'aime pas puis elle maltraite énormément. T'sais, il y a aussi tout ce propos-là des déracinés. Ce film-là a beaucoup de couches sociales et beaucoup de sous-textes sociaux. Et moi, j'ai l'impression qu'on a fait un film d'horreur par prétexte, comme à certaines époques, on faisait des films d'amour par prétexte de parler de la guerre. J'ai l'impression qu'on fait un film d'horreur par prétexte de parler de la guerre parce que... Et ça, c'est vraiment mon regard. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté de films iraniens. Puis les films iraniens que j'ai écoutés, c'est tout des années 80, début 90. Mais on faisait souvent des films prétextes, mais jamais des films d'amour. Par exemple, il y en a un, ça s'appelle « Où est la maison de mon ami » ou « La maison de mon ami ». Et « Mabar Makbalbaf », excusez-moi pour mon super iranien. Et c'est juste un petit gars qui a oublié son cahier d'école chez son ami. Puis son ami habite super loin de chez eux. Fait que là, il faut qu'il aille jusque chez son ami chercher son cahier d'école. Mais c'est juste un prétexte pour qu'il rencontre plein de gens sur sa route qui vivent des difficultés avec le pays. Fait que lui, mettons, il arrête à une maison puis il fait « Hey, je cherche la maison de mon ami. » Puis là, le gars, c'est un réfugié. Ou le gars, c'est un immigrant. Ou le gars, c'est un ex-soldat. Ou un soldat en uniforme. Puis c'est juste le prétexte que lui pose des questions à ces gens-là. Puis de voir leur opinion par rapport à la vie. Donc, tu sais, le poisson rouge ou le ballon rouge, c'est ça. Nine aussi, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de films prétextes. Et j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans cette mouvance-là de films étrangers prétextes où le but, c'est vraiment de parler de la société sans en parler. Et c'est ça que j'ai aimé, ce film-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais finalement, est-ce qu'il retrouve la maison de son ami? Oui, il retrouve la maison de son ami, mais tu sais, c'est pas. J'en ai écouté gros, mais dans une période de 2-3 mois, fait qu'ils sont un peu flous dans ma tête. Mais tu sais, il y a un film, je pense que ça s'appelle Les Oliviers, Le Mont Olivier, en tout cas. Puis après ça, le réalisateur a comme fait un autre film qui serait un faux making-of de son propre film. En tout cas, c'est tout le temps. Il y a vraiment un large cinéma iranien, là, pour les gens qui aiment le cinéma étranger, là, c'est vraiment un cinéma très intéressant à étudier et très complexe. Comme je pense que c'est justement le film avec les oliviers, là, que tout le début du film, c'est un homme qui se promène en voiture, puis on a l'impression que c'est un homosexuel qui cherche un partenaire. Et finalement, ça s'adonne que c'est quelqu'un qui veut se suicider puis qui veut trouver quelqu'un pour le tuer ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est super ambigu comme entrée de film. Ça joue sur ces ambiguïtés-là toujours. Puis ils se promènent en auto dans des villages, dans des quartiers. Fait que c'est souvent ces films-là, des films que, pour contourner la censure, on leur donne un autre prétexte. OK. C'est fou. Ouais, vraiment, là, on peut pas aborder des thèmes de front. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses avec le djinn, je pense, qui est à comprendre dans ce film-là. Puis c'est pour ça que c'est un film que je conseille énormément. Je comprends vos liens avec le Babadook, mais moi, le Babadook m'a pas marqué à ce point-là. Si je faisais la soirée où je voulais voir absolument The Grudge, en fait, Babadook a été sélectionné. Et vraiment, toute la salle a été... Il y avait une tension tout le long du film. Et moi, j'étais comme, ah oh, ouais, ce film-là pogne tant que ça. T'sais, je l'ai aimé, mais je m'attendais pas à ce qu'une salle avec, entre autres, beaucoup de jeunes en bas de 18 ans trippent sur The Babadook. Là. Il y avait vraiment de la tension en place. Donc moi, j'ai aimé le Babadook, mais j'ai pas été... sur le bout de mon siège tout le long de ce film-là. Alors non, je ne l'ai pas comparé à ça. Moi, je l'ai vraiment comparé au cinéma iranien que j'ai vu pendant des années qui me disait « OK, wow, on a vraiment un film qui veut nous passer un message, mais sans avoir le droit de le dire. » Puis pourtant, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore obligé de faire ça? Ou c'est moins pire, hein, tu sais? Ça dépend parce que... Je pense à Persepolis, exemple. Mais c'est sûr que c'est pas du cinéma iranien, là, c'est français, là. Ça qui arrive, c'est il y a 2 ans, 3 ans, faudrait vraiment que je fouille. Le cinéma a été interdit en Iran. Et un des réalisateurs, vraiment, c'est loin dans ma tête, là, mais un des réalisateurs les plus renommés, autant à Cannes qu'aux Oscars, a décidé de juste mettre une caméra cachée dans sa cuisine parce qu'il y avait tout le temps de la visite des policiers pour s'assurer qu'il faisait pas de film. Et finalement, il a réussi à sortir un film qui est juste la caméra cachée dans sa cuisine, puis c'est ça son film, tu sais. Puis grâce à sa réputation, pour vrai, s'il y en a qui veulent d'informations, là, écrivez-moi en privé, je vais tout vous trouver ça. Mais moi, je me souviens que ça avait vraiment marqué. Là, dans les revues de cinéma, là, le monde disait « Le film, il est pas tant bon. » Tu sais, il n'y a pas de montage, il n'est pas super intéressant. Mais quand tu réussis à comprendre un peu l'arabe ou quand tu réussis à te concentrer sur le film, ben souvent, ils pointent ta caméra vers la télé. Puis tu peux voir comme ce qui se dit à la télé, puis la propagande qui joue à la télé. Puis des fois, il fait juste tasser sa caméra pour avoir un angle comme entre la télé et la fenêtre. Puis tu sais, il peut quasiment avoir dire qu'il mouille dehors, puis finalement, il fait gros soleil juste parce qu'ils ont besoin de dire que les paysans veulent de la pluie. C'est tous ces propos-là qui sont dans le film, mais tu sais, le film, ils disent, il est complexe parce qu'il manque de rythme, mais il est nécessaire. Fait que c'est tout un mouvement de cinéma. Alors oui, pour répondre à ta question, excusez, j'ai fait un détour, mais oui, pour répondre à ta question, les films en langue perse et les films iraniens, surtout si c'est une copro d'Iran, Royaume-Uni, doivent être remplis de sous-entendus ou sinon ils ne sortiront pas du pays. Fait que on verra à la prochaine mode de film, que ce soit horreur ou whatever. On va voir un film iranien de sous-marin, genre. Oui, oui, c'est ça, j'aimerais ça. Tu sais, là, un film de. Tu sais, il y a eu la mode des films sous-marins, il faudrait voir, il y a peut-être un film iranien de sous-marin. Ouais, c'est ça. En tout cas, si vous voyez un film iranien, dites-vous ça. Le frontispice n'est jamais ce que ça veut être. Cool. Ça veut dire... Non, c'est ok, c'est bon. Ça veut dire, si vous voyez un film iranien, checkez pas le résumé du film, ça peut avoir vraiment de l'air plate. Tout à fait. Ben, tu sais, c'est pas super toujours intéressant, mais tu sais, ça, c'est la manière que tu vois tes films aussi, là. Tu sais, moi, personnellement, pour La Chute du Monde, le film québécois, je déteste, là. Tu sais, je suis pas capable d'écouter ça. Je veux me mettre à la tête sur les murs, là. Mais il y en a qui adorent, fait. C'est pas mal similaire. Cool. Est-ce que pour Under the Shadow? Ce que Steven avait dit tantôt. Okay. Parce que moi, c'est ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai vraiment apprécié du film, l'aspect politique et moins horreur. Puis, tu sais, tant qu'à ça, je me disais, en le regardant, tu sais, j'aime mieux un film comme ça qui a moins de scènes d'horreur surnaturelle, puis qui a plus d'horreur réelle, tu sais, politique et sociale et tout ça, que mettons, un film, là, je vais parler de quelque chose de l'année passée, mais j'en ai pas vu tant que ça des films cette année, des films d'horreur. Mettons Lights Out, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé parce que les scènes d'horreur étaient, pour moi, en tout cas, personnellement, étaient efficaces, ça me faisait peur, mais le scénario était très, très mince. T'sais. Oui. Entre les deux, je préfère un film comme Under the Shadow qui a plus de poids puis qui utilise l'horreur pour raconter quelque chose, pour montrer quelque chose, une réalité qui peut toucher du monde plutôt qu'un affaire de fiction qui, finalement, c'est juste de la sensation forte. Puis. Tu regardes une heure et demie, puis ça, t'as oublié, ou t'as trouvé ça le fun, mais c'est tout, tu sais. Mais puis, c'est... Oui, vas-y. J'allais nommer ou un Get Out cette année. Oui, c'est ça. Qui traite beaucoup Get Out, de... Get Out, je pense qu'il est meilleur qu'Under the Shadow. Ça, oui, oh, oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est ça. Puis tu sais, j'en parlais cette semaine à la petite chronique que j'ai faite à Radio-Canada. Plug. Mais tu sais, ce que je leur disais, que le film d'horreur... C'est un des genres de cinéma qui a le plus de liberté. Ben, tu sais, c'est Under the Shadow, c'est le genre d'exemple. T'sais. Puis c'est plate parce qu'après ça, je me suis dit, Colin, c'est un exemple que je voulais nommer. Mais Under the Shadow, c'est l'exemple parfait que tu peux prendre le film d'horreur puis en faire un film hyper engagé. Là, tu peux raconter ce que tu veux dans ce genre-là. On dirait qu'il n'y a aucune barrière dans la façon dont tu peux développer tes sujets. Là. T'en as de tous les goûts là-dedans. Puis tu sais, je voulais arriver sur la finale, puis je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de spoiler, mais Steven parlait de la finale, qu'il n'a pas vraiment plu. J'ai eu une drôle de relation avec la finale, parce que à la fin du film, j'étais un peu frustré. Une fois que le générique embarque, que c'est fini, j'étais un peu frustré, parce que, mettons un film comme The Grudge. The Grudge, c'est une finale qui est un peu boboche, parce que le film est fini, puis là, il t'arrive avec un petit jump à la fin, un petit quelque chose, ouais, pour dire, ah, c'est pas tout à fait fini, tu sais. N'empêche que j'ai quand même l'impression que ce chapitre-là de l'histoire est terminé, que je peux rentrer chez moi, puis que, OK, je peux dormir en paix. C'est relativement fini, tu sais. Tandis que dans Under the Shadow, ben, câlisse, c'est pas fini. Je finis le film, puis je suis comme, ouais, mais là, tout ce qu'ils viennent de vivre, là, ils vont continuer à le vivre là, dans 5 minutes, puis dans le lendemain, puis tout ça. Ouais. Puis, c'est pas fini, là. Mais c'est pour ça que si tu prends... réglé, mais si tu prends le djinn comme une métaphore de tout leur environnement, puis toute cette guerre-là, puis l'oppression, puis tout ça, c'est sûr que ils ont bien beau sauver, c'est pas fini. Fait que, tu sais, si tu prends le djinn comme la métaphore, ça marche. C'est la seule façon que j'ai trouvé, moi aussi, d'accepter cette finale-là, parce que sinon, elle me frustrait aussi. Oui. Mais ouais, non, c'est ça. Non, ça fait du sens. C'est vrai que la guerre est partout, puis c'est pas fini, puis... Les traces de ça, c'est pas parce qu'ils se sont sauvés que... Non, puis tu vois, ça se passe dans les années 80, puis encore de nos jours, c'est de la grosse merde. Fait que, c'est... Ouais. C'est ça. Ouais. Ils s'en sont pas sortis. Que ce soit le djinn ou autre chose. Vicky, avais-tu autre chose que tu voulais ajouter? On va y voir avec nos recommandations. Non, je suis vraiment contente. Je pensais déraper sur autre chose, puis finalement, j'ai dérapé sur le cinéma iranien. Fait que je suis bien contente. J'ai très peu de chance dans ma vie de parler de mon expérience avec le cinéma iranien. Fait que wouhou! J'avoue qu'écoute, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Tu te feras un spécial à la capsule. Tu leur diras, je vous passe des films d'horreur, puis là, finalement, tu les passes Under the Shadow. Ils font comme ah, Vicky, tu nous as eu! Tu nous as eu! comme recommandation, il est sur Netflix. Fait que c'est pour, dans mon cas, de mon côté, c'est écoutez-le. C'est gratis si on veut. Fait que il y a beaucoup de films sur Netflix qui valent moins la peine que ça. Fait que même si vous allez être déçu en bout de ligne de l'horreur, gardez en tête que c'est pas un film d'horreur que vous avez écouté, c'est un film iranien avec un message derrière. C'est ce que Vicky nous aura appris aujourd'hui. Vicky, toi, ta recommandation? De l'écouter sur Netflix, absolument. Et si vous l'aimez, les acheter, parce que je reviens avec mon idée de cinéma iranien, mais ils deviennent rapidement difficiles à obtenir. Et les en films. Fait que si vous l'aimez, là, tu sais, souvent, il y a des copies, il y a des films, c'est des copies vraiment. Il y a des films, je vous dis, là, Palme d'Or ou Oscar, puis c'est juste des VHS, ils n'ont jamais été réédités autrement. Donc, si vous l'aimez puis vous en trouvez une copie, ça vaut la peine. Sinon, écoutez-le au moins, absolument écoutez-le au moins une fois sur Netflix. Cool, Steven. Ben, comme je disais tantôt, c'est un film que je recommande à voir au moins une fois dans votre vie. Je crois que c'est un film impressionnant pour un premier long métrage. Puis il est sur Netflix, fait que je recommande Netflix. GF? Encore là, je recommande Netflix, mais comme j'ai recommandé un achat pour The Grudge, ben, c'est un achat pour lui parce que je l'aime plus que The Grudge. Puis je voulais juste rajouter une chose, mais c'est un cliché maintenant, mais depuis que je suis parent, je pense que ce film-là me touche plus encore, ouais, parce que la relation entre la mère et la fille est venue me chercher, puis il y a une scène vers la fin du film où elle descend les marches avec sa fille, puis elle descend jusque dans la cave, puis maintenant elle entend la voix de sa fille en haut qui vient de l'appartement, puis dans ma tête, j'étais comme, asti que je ne saurais pas quoi faire, là. Parce que la voix, elle me déchire, la voix en haut, la manière qu'elle crie, là, « Mom! Mom! Mom! » puis elle crie, puis c'est comme, « OK, qu'est-ce que tu fais, là? Tu lâches-tu ta fille en bas en disant « c'est pas elle? » C'est qui que tu suis, là? C'est qui que tu vas secourir, tu sais? C'est déchirant par bout. Mais oui, non, c'est ça, c'est un achat pour moi. Hey, cool. Tu m'amènes une question vraiment out of nowhere, mais je veux la poser. Tu l'as écouté en anglais, moi je l'ai écouté en français, c'est un film. Non, je l'ai écouté, non, c'est parce que c'était les sous-titres, c'était meilleur. Ouais, les sous-titres. Okay. Vous l'avez écouté en langue originale? Oui. Ouais. Ouais, ben sur Netflix, c'est ça, sous-titré. Oui, il est là. Ouais. C'est parfait. Puis il est en DVD encore un petit peu sur eBay et Amazon, donc. Ok, good. Si c'est un film que vous aimez, vous le dites, il part vraiment vite. Ouais, mais regarde, là, déjà sur Amazon là, c'est pas, c'est, ça pleut pas. Donc. Non, mais il est distribué par MO, fait que c'est le genre de film que vous pouvez retrouver au Dollarama d'un bac à côté de This Final Hour, puis d'autres films distribués par cette compagnie-là. C'est une fucking mienne. Yep. Merci bon. De le dire, Steven. Ben là, on va s'en aller à la musique avant de revenir pour la conclusion. Et pour... C'est moi qui chante. I've been waiting and okay, the shadow. Ouais, c'est ça. Ça vous tente. Les bonnes paroles. Non, Écoute, on demande tout le temps aux autres qu'est-ce que vous avez comme suggestion musicale. On sait toujours que Vicky, ça va virer tout croche. Aujourd'hui, ça virait encore plus croche que d'habitude. Non, on a demandé à nos Patreons qui nous écoutent live. Il y a Véronique qui nous écoutait, qui nous a suggéré deux tunes. Je prends la deuxième juste comme ça parce que je connais l'artiste. Et c'est Bed of Nails d'Alice Cooper. Puis on se retrouve après pour la conclusion. Alors, on est déjà de retour pour la conclusion de cet épisode. Ma foi, tout sauf ce qu'on pensait que ce serait. on a parlé de films iraniens, on a parlé de films qu'on a boudés. de films japonais qu'on... Ben, avec Steven, on parle de... On pourrait parler de films japonais toutes les semaines, fait que ça, c'est pas nouveau. Oui! Mais, il y a une chose qu'on n'a pas encore parlé, puis je pense que moi puis Steven, on avait quand même notre petit mot à dire là-dessus, et c'est Frisson TV, qui est démarré depuis vendredi, là, on est le 4, on enregistre depuis le 31 août. 31, mais on pourrait compter jeudi. Ouais, c'est ça, le 31. Jeudi, c'était 31, puis vendredi, le premier, c'est ça. Ouais. Fait que c'est jeudi qui était une journée de test. Fait que c'était les mêmes films que le lendemain. Là. Mais. On l'a enfin, notre poste de film d'horreur. Écoute, je trouve ça vraiment nice parce que depuis que le poste est maintenant débrouillé, quand j'ai rien à foutre, je change de chaîne, puis je tombe sur ça, puis j'écoute ce qu'il joue. Puis même si le film m'intéresse pas, ben je trouve ça le fun de pouvoir avoir à tout moment un film d'horreur qui joue à la télévision. C'est ça que j'aimais quand j'étais jeune. Tu sais, je me promenais. Puis à un moment donné, j'arrivais sur TVA, puis j'étais comme La nuit des morts vivants à 11h30 le soir. Yeah! Mais là, maintenant, c'est rendu plus rare, on dirait. Tandis que là, maintenant, tu as juste allé sur Frisson TV, puis bang, 24h sur 24, tu vas tout le temps avoir un film d'horreur qui joue dans les parages. Là. C'est juste plate que le poste 666 n'était pas. Libre sur Illico. Ah, tellement, avoue, hein? Ouais, c'est ça, solide. Non, c'est le 799. Mais c'est ça. Ben, écoute, puis je sais pas de ton côté. Nous autres, il y a encore un peu des ratés côté qualité du feed. Mais j'espère que ça va se régler. Mais tu vois, c'est samedi soir que j'avais de la visite. Puis j'ai zappé Frisson TV. Puis c'était Incision. Slither. Oui, qui jouait. Ouais, de James Gunn. Oui, le film de James Gunn, écoute, ça a fait un hit. C'est hot parce que c'est un film, honteusement, c'est un film qui a comme sombré dans l'oubli, puis ouais. Fuck, on parle de James Gunn, puis Slater, c'est vraiment hot, là, puis il y a Scream Factory qui le ressort là, en Blu-ray ou qui l'ont ressorti justement. Fait que, tu sais, les gens qui vont le découvrir sur Frisson, ben, ça va peut-être les motiver à aller chercher le Scream Factory. Pis c'est drôle parce que, tu sais, sur TVA à côté, il y avait Hunger Games, puis Elizabeth Banks. Oh, le gars a un bon gros rôle dans Hunger Games quand même. Fait que tu sais, j'étais comme. T'sais, elle a démarré là, elle a commencé là. C'était oui, quand même très, très cool. Puis, ben c'est ça. C'est juste plate parce que là, ce qu'on voit un peu sur les posts Facebook, c'est le monde qui se met déjà à chialer sur le contenu. Moi, j'ai de la misère avec le chialage sur le contenu quand ça fait même pas une semaine que la chaîne est lancée. Que quand tu vas sur leur site, ils te montrent tout ce qu'ils ont comme acquis comme droit pour certains films. Parce que tu regardes la liste et c'est vraiment impressionnante et est intéressante. En plus, qu'ils disent qu'ils vont avoir du contenu original qu'on n'a même pas encore vu, tu sais. Je comprends pas pourquoi on peut déjà critiquer, là, tu sais. Il y en a qui critiquaient ouais, c'est pas juste de l'horreur, il y a des drames puis des comédies. Moi, j'ai encore de la misère avec ce discours-là. Là, je veux dire, si ça te tentait d'écouter August Underground, c'est pas sur Frisson TV que tu vas l'avoir. Là, là. C'est ça, August Underground? Oui, c'est ça. Les snuffs, là. Tu n'auras pas les snuffs, là, puis tu n'auras pas un Serbian film, puis tu n'auras pas un Human Centipede. C'est pas ça. Là. C'est parce qu'il faut pas mélanger horreur et gore. T'sais. Automatiquement, de l'horreur, c'est du gore. Ça peut pas avoir du drame ou de la comédie. Mais non. T'sais. Mais non, écoute, il y en a que. Si tu lui dis horreur, puis il n'y a pas eu une tête de coupée, c'est pas un film d'horreur. Puis s'ils n'ont pas eu peur, c'est pas un film d'horreur. C'est ça. Si c'est ça leur définition de l'horreur, ben c'est sûr que Frisson TV ne seront pas pour ces gens-là. Sinon, ben enjoy, Colin. Puis j'ai pensé à ça aussi, tu sais. Il y a eu un brainstorm sur le nom de la chaîne. C'est Frisson TV. C'est pas Gore TV, c'est pas Splash TV, c'est Frisson TV. Ouais. Puis je me suis dit, frisson, c'est un mot au-dessus de la chair de poule, mais en dessous du gore. C'est doux. Fait que, tu sais, c'est doux. Fait que moi, je me suis dit, c'est un frisson quand même assez général, tu sais. Puis c'est à ça que je vais m'attendre quand je vais aller. Tu sais, Cinépop, le fameux slogan Cinépop, à chacun ses classiques, ben, ils viennent contrer tout le monde qui font, ben voyons, c'est pas un film pop, c'est pas un film culte. À chacun ses classiques. C'est ça. Je pense que il y a quelqu'un Frisson... quelque part qui va être content de le voir, le film. Et voilà. Fait que je pense que Frisson, en choisissant ce titre-là, ben ils disent « Ok, c'est pas si trash que ça, mais c'est un frisson. » Puis ils ont mis un film d'araignée dernièrement, puis sur leur page Facebook, ils l'ont l'ont ridiculisé un peu en disant ouais, c'est pas le plus grand film d'horreur, mais il y a des araignées géantes, puis il y en a qui ont peur des araignées. Puis j'étais comme, mais c'est ça que je veux de frisson. C'est quelque chose spider. Qui fait peur. Oui, il passe Big Ass Spider ce soir. Je l'ai enregistré, je l'avais pas encore vu. Avez-vous... Il est sur le même. Tu vas t'amuser, Sébastien. Non, ouais, sûrement. Je pense que c'est Jeff aussi que tu n'avais parlé en bien de Big Ass Spider. Non, j'avais adoré ce film-là. Ouais. Le duo au cœur du film est génial. Là. C'est ça la force, en fait. Là. Oui, oui. Écoute, mais fait que c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, puis c'est justement ce genre de film, tu sais, Slither, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu ça à l'époque, mais tout le monde qui ont vu ça s'entendait pour dire que c'était un film qui valait la peine d'être vu, tu sais. Regarde, Big Ass Spider, j'ai jamais vu, puis probablement qu'il y a bien du monde qui n'ont jamais vu ça, puis ils vont le découvrir avec ça, tu sais. On dirait que le monde a pris pour acquis que faudrait que ça soit juste classique par-dessus classique. Il faudrait que ça soit Evil Dead, faudrait que ça soit Dawn of the Dead, faudrait que ça soit tout Hellraiser. Mais tu sais, c'est tous des films qu'on a dans nos collections. Tandis que là, oui, ils passent pas juste des grands chefs-d'œuvre, mais je veux dire, la plupart des films qui passent en ce moment, il y en a plusieurs que j'ai pas chez nous, puis que j'ai trouvé ça vraiment cool de revoir. Excuse-moi, là, mais The Paperboy, j'ai pas revu ça depuis que j'étais jeune. Le fait de revoir ça à Frisson TV, ça m'a ramené des souvenirs, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de pouvoir voir ce film-là. Puis c'est des films qui vont des années 40 jusqu'aux films d'aujourd'hui. C'est super varié. Puis des films gore, de toute façon, ils vont en mettre aussi. Là, c'est sûr qu'ils vont sortir des classiques des années 80 avec du gore, puis ça m'étonnerait pas qu'on voit Branded dans l'eau. Là. C'est non, sûr qu'il va apparaître, là. Mais c'est juste qu'ils passeront pas à midi et demi. Un mardi. Ça va être leur, ça va être leur, leur highlight du samedi soir. À 11h. Mm. Sur ce, les amis, on n'a pas pensé à nos recommandations, pas en toutes. Mais moi, je vais y aller d'une recommandation, Colin, parce que on parlait de films remake, de films japonais. C'est pas du remake que je veux qu'on parle, parce que c'est l'original qui était écœurant, mais c'est Dark Water. Yeah! Yes! Ça je pense que de toute cette catégorie-là de films japonais qui ont eu le remake américain, s'il y en a bien un que j'adore, puis l'original, on s'entend, là, pas celui avec... c'est avec Jennifer Connelly. Ouais. Mais l'original est juste écœurant, autant par son horreur que par son drame qui est poignant. C'est vraiment un Christy de bon film. Je sais pas pour vous autres si vous aviez pensé à des recommandations. Ben, je l'ai mentionné, je pense, tantôt, mais j'irai avec Pulse, la version japonaise, Kairo, K-A-I-R-O. Il y a une couple de scènes, ça fait quoi, 10-12 ans que j'ai pas vu ce film-là. Il y a une couple de scènes qui me font encore peur juste à y penser. Là. Une personne qui marche dans un couloir à un moment donné, là, un spectre qui marche dans un couloir, puis une couple d'affaires comme ça, là, c'est assez, assez troublant là, comme film. Cool. Steven, Vicky? Ben moi, je dirais, je l'ai mentionné tantôt, mais abonnez-vous à Shudder. Le premier mois est gratuit. Si vous aimez pas ça, enlevez-les. Sinon, c'est 5 et quelques. On s'est entendu que c'est pas gros. Juste pour aller écouter Sadako versus Kayoko. C'est un des films les plus fun que vous allez voir cette année. Et le doigt magique va faire votre bonheur. Est-ce que tu m'en parlais tantôt, puis je me demandais si tu peux avoir vu d'autres Grudge? Non. Non, même pas nécessaire. Moi, j'avais vu l'ancien, puis j'avais vu The Ring, c'était tout. OK. C'est sûr que quand tu as vu d'autres films reliés aux deux franchises, il y a des. Comme je disais, il y a un peu de l'autodérision dans le film. Il y a des moments où tu vas plus rire parce que tu vas saisir, mais sinon, globalement, tu seras pas fourré ou quoi que ce soit. Là, tu seras pas perdu. Là. Ce qui est le fun, c'est que le film essaye d'être divertissant par son rire, mais son horreur est très bonne aussi. Il y a des séquences d'horreur qui sont vraiment le fun. T'as une séquence d'exorcisme qui est vraiment cool. Oh yes, vraiment. Ouais. Ah oui, question. Parce que j'hésitais à m'abonner à Shudder, mais Seb, puis peut-être Steven aussi, je vous entendais dire qu'il y avait beaucoup de problèmes de lag puis de vidéos qui arrêtaient en milieu et tout. Est-ce que ça a été pas mal réglé, ça? C'était ça faisait surtout ça avec mon Chromecast, le problème. Okay. C'est ça avec mon Chromecast quand je partais de mon cellulaire. Mais tu vois, le dernier film, je me souviens plus c'est quoi le dernier film que j'ai écouté, puis j'ai pas eu ce problème-là, ça fait un petit bout, là. Puis moi, j'ai eu zéro problème. Fait que c'est peut-être juste un problème de mon bord. J'ai vu quelques personnes le mentionner sur Internet, là, mais c'est pas... c'est rien de global. Convainc, Puis ça vaut vraiment la peine, Vicky, parce que leur catalogue est quand même rendu solide. Ils ont plusieurs exclusivités qu'il faut vraiment le détour. Puis ils ont plusieurs films de Arrow Video que c'est pas vraiment trouvable pour louer. Fait que tu peux les voir sur Shudder, alors que c'est des éditions assez dispendieuses. Puis c'est vraiment varié. Fait que Shudder, maintenant, pour 5$, là, ça vaut vraiment la peine. Ça a l'air qu'un abonnement annuel pour 50$, un enfant de même, là. Je sais pas. Ouais, je sais j'ai pas, lu mais ça se peut. Je l'ai lu, mais pas sur leur site officiel. Mais okay. Non, c'est ça, j'en parlais à JF l'autre fois. Je crave pour de l'horreur qui me fait peur. Ben puis écoute, t'as raison, Vicky, excuse. Je te coupe, mais t'as raison. Je viens de voir ça. 4$ par mois annuel si tu le payes d'un coup. Nice. Bon. C'est pas cher. C'est mon genre. Surtout que ce temps-ci, je fais de l'argent. Oh! Check là la pèteuse de bretelles. Ben c'est ça, puis j'en ferai sûrement plus rendu en janvier, fait que aussi bien mettre toute ta marge de crédit dessus. Puis excuse, je t'ai coupé. Non. Non, je t'ai pas coupé, Vicky. Ok, excuse-moi. Il n'y a pas un mot qui est sorti de ta bouche. Là. Excuse-moi non, de m'excuser pour rien. mais je pensais à quelque chose très très fort, t'as peut-être connecté c'est avec ça, moi. C'est ça, c'est sûrement juste ça. Que, si je l'ai dit, quand ils ont enlevé, on devait faire le podcast sur le film de Devil. Puis ils l'ont enlevé, fait que là, j'étais un petit peu frustrée. j'avoue que ça, c'était le pire timing ever. Je l'ai vraiment m'abonné, j'ai dit « Ok, go, Vic, pour moi, tu sais, ce film-là. » Puis le film, Steven, il avait super bien parlé dans son autre podcast, Séance de minuit, fait que j'étais comme « Tu sais, t'en as déjà deux. » Fait que ça vaut la peine de t'abonner au moins un mois pour ces deux-là. De flèche? Non, Sadako Vista. Ah ça? Ah ben il y a aussi We Are the Flesh qu'on a fait un épisode, c'est un film que j'ai beaucoup vanté qui est sur Shudder exclusif qui vaut vraiment le détour. Vous n'aviez pas parlé de Prevenge? Oh, on a parlé de Prevenge aussi, oui. Oh mais gars, tu vois, ça valait full la peine, je m'abonne, puis je suis comme mat de retirer des vols. Ben, c'est pas grave. Ils vont se faire pardonner pour le reste. Ok. Mais je vais le voir. Hey, sinon les gars, qu'est-ce qui se passe avec vos podcasts respectifs? Ben, bras de faire des films, on a un time-out qui est sorti la semaine passée. Oui, c'est vrai. Puis, pour l'instant, on va avoir un épisode régulier maintenant. On n'a rien de prévu pour l'instant, mais ça va venir bientôt. Ça s'en vient. Oui. Séance de minuit, Steven? Bon, on a sorti un épisode sur le deuxième Annabelle que je vous recommande. Il n'y a pas de spoiler, fait que vous pouvez y aller sans problème. Puis, on a eu beaucoup de plaisir à faire l'épisode. Puis, on devrait enregistrer la fin de semaine qui s'en vient. C'est ça, la fin de semaine qui s'en vient, un épisode sur It. On va parler de l'original puis du remake. Et Colin, que j'ai hâte. Ça, c'est bien une chose que je me suis dit que j'allais faire cette semaine, c'est bien aller le voir jeudi prochain. Oui, j'ai vraiment hâte aussi. On vous dit pas tout de suite qu'est-ce qui va se passer pour le prochain épisode, mais on a une surprise. Ça sera un épisode spécial juste avant nos épisodes des 31 jours d'horreur qu'on va sûrement vous jaser bientôt parce que. Christy, ça s'en vient bientôt, ce marathon-là. Puis, faut préparer ça. Donc, on vous en jase très, très, très bientôt. Sinon, ben, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter? Non, je pense que non. Non, attends, ben moi j'attendais de voir si les autres allaient répondre, mais moi oui, j'ai quelque chose à rajouter. Tant qu'à être ici puis pas parler tant que ça, vu que j'avais pas revu les films, j'aimerais faire un petit moment hommage à un réalisateur que je respecte beaucoup et qui est décédé, qui est Tobe Hooper. Oui. C'est un réalisateur qui a pas eu la vie facile parce que c'est un réalisateur qui est resté ancré dans l'horreur alors qu'il a voulu faire autre chose, mais un peu comme Wes Craven, ça a pas été évident, puis comme George R. Romero aussi. En fond, c'est tous des réalisateurs qui se sont un peu fait imposer à cause d'un film qui a marqué. Et ça me rend beaucoup triste pour Tobe Hooper parce qu'il a tout le temps été identifié juste avec Texas Chainsaw Massacre puis Poltergeist. Puis même Poltergeist, les gens essaient d'y enlever en disant que c'est Steven Spielberg. Et moi, je crois pertinemment que c'est Tobe Hooper qui a réalisé le film. Oui, par moment, on sent la trace de Spielberg parce que c'est quelqu'un de très contrôlant, et c'est sûr que sa touch est là, mais je veux dire, regarde juste la dernière demi-heure, c'est du Tobe Hooper à 100%, puis le film est rempli de scènes que ça paraît que c'est lui, mais qui a fait plusieurs films d'horreur vraiment solides, qui ont juste sombré dans l'oubli, que les gens n'ont pas parlé, que ça soit Life Force, que ça soit Eaten Alive, la suite de Texas Chainsaw Massacre, qui est pour moi un des meilleurs films d'horreur des années 80, qui est vraiment sous-évalué, c'est vraiment de la bombe. Oui, Vicky? Eaten Alive avec ou sans croco? Je comprends pas ta question. Il y a deux Eaten Alive. Un avec un croco, puis l'autre pas de croco. Un avec un, ben celui avec le croco qui date des années 70, si je me trompe. J'ai deux films 65, Alive que je me suis fait donner pas mal les mêmes années. Un avec un croco puis l'autre sans croco, mais je les ai pas écoutés encore les deux. Avec les crocos. C'est avec les crocos. Ah oui, c'est avec le croco, il me semble. Il n'y a pas un caméo de Robert Englund là-dedans ou quelque chose comme ça, là? Oui, c'est ça! Ça se peut. C'est un espèce de psycho sous acide qu'on aurait foutu dans un broyeur avec Texas Chainsaw Massacre. Là, ça donne quelque chose de vraiment weird, mais c'est vraiment le fun. Oui, sa carrière des années 90, elle a un petit peu baissé. Il y a eu quelques mauvais films, mais là-dedans, on a eu comme un de mes remakes préférés que les gens parlent pas beaucoup, qui est The Toll Box Murder, qui est un excellent film où il exploite vraiment bien un immeuble qui devient une espèce de deuxième personnalité dans le film. Puis même son film Crocodile 1 de la compagnie Nu Image, qui était populaire à l'époque pour les Shark Attack puis les très mauvais films d'attaque d'animal, il s'en sort quand même bien avec celui-là qui est vraiment sympathique, mais sa grande période est vraiment les années 80. Puis je trouve ça cool que Scream Factory ait ressorti justement Life Force, qui est vraiment bon, The Fun House, qui avec un nouveau transfert, ce film-là, visuellement, c'est du bonbon. Puis juste sa scène d'intro qui rend un hommage à Psycho puis Halloween en même temps, c'est vraiment génial. Puis c'est un réalisateur qui mérite beaucoup plus de respect que simplement dire c'est le réalisateur de Texas Chainsaw Massacre. Moi, c'est un réalisateur qui m'a tout le temps plus touché que George R. Romero. George R. Romero est intéressant par ses thèmes, par qu'est-ce qu'il a inventé avec les zombies, mais je trouve que c'est un réalisateur qui, niveau mise en scène, vient moins me chercher. Je trouve que c'est une mise en scène très, très classique, moins tape à l'œil. Tandis que Toby Hooper, il y a plus des idées de mise en scène qui m'ont marqué l'esprit, puis il y a vraiment un flair visuel, puis des idées qui sont vraiment folles. Tu sais, tout le monde se rappelle du plan sur l'œil de Texas Chainsaw Massacre, là, qui était de la folie pure, qui était du jamais vu. Puis je trouve que chacun de ces films contient des petits moments mémorables comme ça. Fait que, sans vouloir m'éterniser, rest in peace, Toby. Moi, je t'aime de tout cœur et un autre grand maître de l'horreur qui nous a quittés, malheureusement. Puis il a réalisé un des épisodes de Masters of Horror avec Robert Englund, qui est vraiment bizarre. C'était un de ceux qui étaient les plus... weird de la gang, là, tu sais, là, c'était pas nécessairement le meilleur, mais t'étais comme ok, lui c'est il est à l'ailleurs. Les deux épisodes de Toby Hooper pour la saison 1 et 2 sont pas très très bons, mais ça reflète pas pour moi ce qu'il a fait dans le passé, mais c'est un petit peu triste ça par contre. Bon, c'est ça. Puis le Salem Slot aussi qu'on oublie, mais qui a quand même quelques bonnes scènes malgré la longueur du film qui Parce qu'une mini-série, c'est ça. Puis ça souffre un peu du même syndrome que It, avec le It original. Les livres étaient excessivement gore, excessivement effrayants. Puis en mini-série comme ça, t'arrivais pas à retranscrire l'horreur. Ben, t'es limité, hein, c'est ça qui arrive. Je l'ai relu dans les derniers jours, dans la dernière semaine, Salem's Lot, puis ça faisait 20 ans je l'avais pas lu. Puis c'est vraiment un très bon livre de vampire, c'est vraiment une très bonne histoire. J'ai jamais vu la version Toby Hooper, mais je suis curieux. Il y a aussi une version en des années 2000 avec Rob Lowe, une autre mini-série, mais ça je l'ai pas vu non plus, avec Donald Sutherland. Mais, Ouais, ben le problème avec Toby Hooper, c'est ça, il a pas pu aller aussi loin que le livre va. J'ai hâte de voir parce que c'est un film ou encore une mini-série qui est prévu là, pour Salem's Lot, il me semble qu'il y a une... Ah, je sais pas s'il y avait quelque chose. Une réadaptation qui va sortir en 2018, on a fait de même, en tout cas. OK. Alors, on est dans la mode Stephen King, là, c'est... Mais on s'entend-tu qu'aujourd'hui, la tournure des téléséries, il n'y a plus de limite, que ce soit dans le gore ou tout. Fait que, tu sais, ils pourraient facilement aller au bout de leurs idées. Ouais. C'est pour ça que c'est moins effrayant. Je voulais rajouter quelque chose pendant qu'on était... C'est ça rapport avec le sujet de l'épisode. C'est parce que pendant qu'on parlait, je checkais sur Shudder. Je suis pas abonné, mais en n'étant pas abonné, je peux regarder quand même la liste des films. Puis ils ont les Ju-On originaux, le 1 puis le 2. C'est puis ils ont aussi ils ont les Ju-On de Curse, les directs vidéo qui sont sortis avant, en 2000. Ils ont trouvé deux. Meilleure excuse pour s'abonner. Faut vraiment que je m'abonne. Là, j'ai plus le temps. Ils ont aussi ma recommandation. Ils ont Cairo. Caroline, oui. OK, garde. Mais... Honnêtement, Shudder, pour le prix, là, même, c'est fou parce que même si t'écoutes pas un film dans ton mois, t'as pas l'impression que t'as payé dans le bas plus qu'il faut. C'est pas comme un Netflix qui est rendu qui te coûte 12$, mais même le 12$, c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, 5$, c'est encore là-dessus. Plus petit. Moi, je fais ma comptabilité sur Netflix. Là. Tu pourrais pas m'enlever ça. Là. Il y a un module comptable. Il y a un Excel dans un coin bien caché. Netflix/Excel. Ben écoutez les amis, je pense que c'est sur ça qu'on va se quitter en vous disant de vous abonner à, de vous abonner à Shudder. Puis il y a sûrement un paquet de films de Toby Hooper aussi là-dessus. Là. Jeff pour, probablement pas le temps de checker. Je pense que Eaten Alive est dessus parce que c'est distribué par Arrow. Ouais, fait que... Bon ben, écoute. Mais tu veux-tu chercher par réalisateur? Ah je sais pas, j'ai jamais essayé. J'ai ah, non, j'ai pas utilisé pas. Beaucoup de moteurs, non. Non ouais, c'est ça, c'est un peu. Si check... ouais, Eaten Alive il est là. Cool. Ah, ça je me dis. Puis mettons que je marque Life Force, c'est pas là. Mettons Funhouse. Non, il est pas là non plus. En tout cas, je peux pas te les faire non plus, là, mais. Fais-les toutes, on t'attend. Toolbox Murders 2. Il est là. Ouais, je pense pas que ce soit lui par contre. Non, ça ressemble pas à lui. Ah oh non, ça c'est mauvais. Oui, c'est une très mauvaise suite, ouais. Mais Eaten Alive est là. Donc raison. De plus, donc juste ça, là, ça vous fait au moins presque 10 films juste pour ce mois-ci, donc ça vaut le mois gratis. Sur ce, les amis, je pense qu'on va se dire un beau bye-bye. Steven, beau bye-bye. Bye-bye. Merci de pas avoir écouté les films. Ben, ça fait plaisir. Jeff, beau bye-bye. Bye-bye. Non, c'est pas grave de le faire. Linda, veux-tu faire ma tondeuse? Vicky, beau bye-bye. Bye! Merci d'avoir participé à mes films. Ben, ça fait plaisir. Puis tout le monde, si vous écoutez encore à ce rendu là, puis vous n'avez pas juste arrêté le podcast, beau bye-bye à vous autres aussi. Puis n'oubliez pas de garder ça horaire. Ciao, ciao!